de la vache folle, la maladie qui ronge, le cerveau en éponge, plus rien dans les quiboles, après le veau aux hormones et le maïs transgénique, les légumes radioactifs, sur qu'on nous prend pour des pommes, après la tremblante du mouton, le Parkinson du méchoui, de la brochette qui rend con, sur qu'on n'est pas à l'abri, mais voici la grippe aviaire, le cancer de la poule, la vérole du chat de gouttière, on met tous les œufs dans le même moule, on bouge de la daube et le pire c'est qu'on la paye, on vous ferait la merde, ce serait pareil. On bouge de la daube et le pire c'est qu'on la paye, on vous ferait la merde, ce serait pareil. Et voici la grippe porcine, la vengeance du cochon, qui nous fait courber les chines, moins peur pour nos lardons. Les hamburgers dégueulasses, des kebabs qui filent la chiasse, salade, tomate, oignon, sauce marron dans le caleçon, et les pizzas surgelées, les poulets transparents, les plats tout préparés. On n'a plus besoin de nos dents, il est fini sans les festins, mais du bon vin qui fait rire, la psychose gagne du terrain, et le pire est à venir. On bouge de la daube et le pire c'est qu'on la paye, on boufferait de la merde, ce serait pareil. On bouge de la daube et le pire c'est qu'on la paye, on boufferait de la merde, ce serait pareil. Si on est encore vivant, on bouffera de la lessive pour chier encore plus blanc. Des gélules pour déjeuner, des pilules pour le dîner, un suppôt pour le souper et deux doigts pour faire gerber. On bouffe la daube et le pire c'est qu'on la paye, on boufferait de la merde, ce serait pareil. On bouffe la daube et le pire c'est qu'on la paye, on boufferait de la merde, ce serait pareil. Les codes privés, les scouts de France, elles ont appris l'hypocrisie, la trahison, le mépris des petits. Elles ont compris que pour arriver, faut écraser les autres, être le premier. Qu'a pas l'ami, pas de partenaire, que les ennemis, les adversaires, les élites. Ces gens ont suivi des études très chères, peuvent pas se payer les prolétaires, HEC, ENA ou Sciences Po, commencer à tisser des réseaux. Tout ça leur servira plus tard, dans leur réunion en costard, quand ils auront atteint les sommets, seront prêts à nous diriger. Les élites, les élites, les élites, les élites. Maintenant ils sont pas très.

possèdent une intelligence surhumaine, des connaissances venues d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. Here comes the music. We're online. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika tous les vendredis soirs à partir de 20h30. Alors tous les vendredis soirs, nous recevons ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à Fleury-les-Aubrais, à 5 minutes du centre d'Orléans, nous recevons des invités et depuis l'année de 2019, on a reçu énormément de personnes. On va reprendre depuis le mois de septembre simplement, parce que sinon il y a toute une liste. Effectivement, on a reçu plus de 350 projets différents, on en est à l'émission numéro 426 et le 6 septembre, on l'a reçu ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel, le groupe Cardioïde. C'était un groupe qui était suivi d'un un autre groupe qui s'appelle West Orleans. Les Ailes au Nord sont venus ensuite. On a parlé d'un événement qui s'est passé aussi la semaine dernière, c'était Ensemble Maintenant, donc un concert avec le groupe Thérèse Électrique, le groupe Les Enfants de Samurge et le groupe Lilithi. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard avec notre ami Didier. On a fait aussi une émission le 4 octobre avec les Scarlet Black. La semaine dernière, c'était un petit, une petite parenthèse, mais c'était bien sympathique. Notre ami Chris est venu nous parler de son autre projet, le projet pour les enfants qui s'appelle Kazouzou. Voilà, j'espère que vous l'aviez écouté, sinon le podcast est disponible. La semaine prochaine, on va recevoir un groupe qu'on n'a jamais reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je les ai vus une fois en concert. Le groupe s'appelle Odeon, et puis on va le découvrir ensemble, leur univers. Le 1er novembre, le retour du groupe Hype Me, le Hype Me qu'on a écouté tout à l'heure, hein, je vais vous présenter après les morceaux qu'on a écoutés depuis le début de l'émission. On aura aussi le retour le 8 novembre de Léo. Un nouveau groupe qui va venir dans les studios Radio Arc-en-Ciel, il s'agit de Zbla, voilà, une découverte. Le 22 novembre, ça sera Tia, aussi une découverte. Pourtant, il y a déjà des membres qui sont déjà venus dans d'autres projets ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Le 29 novembre, ça sera Orpheum Black, un groupe tout neuf avec des chansons qu'on connaît. Ça sera l'occasion vraiment de parler de ce nouveau groupe qui a fait un petit concert il n'y a pas très longtemps. Les fans étaient au rendez-vous en tout cas. Le 6 décembre, ça sera le retour de notre ami Hervé Desroffes qui nous reviendra de Brest spécialement pour l'émission Mavrika. C'est la 4e fois qu'il fera ça. Et à mon avis, il va ramener quelque chose dans ses bagages et puis il va ramener le nouvel album puisqu'il était en enregistrement depuis pas mal de temps. Il a retardé plusieurs fois parce que lui, il aime bien peaufiner la qualité de ses albums. Donc il viendra nous présenter son dernier album. Voilà. Le 13 décembre, ça sera le tour des Mockingbird. Le 20 décembre, ce sera La Jarry. Et on peut vous parler aussi des groupes que nous allons recevoir déjà en 2020, puisqu'il y en a déjà pas mal qui sont calés. Il y en a d'autres qui sont aussi invités, il faut qu'on cale des dates. Donc pour l'instant, Calais, ça sera le 10 janvier, il y aura le groupe Duke, donc c'est un duo. Le 17 janvier, ça sera Mieux Seul. Le 24 janvier, ça sera Les Vilaines Choses. Et le 31 janvier, ça sera Antoine Ménager. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Et ce soir, notre invité pour cette émission numéro 426, il s'agit du groupe Les Burning Heads. Commencer l'émission avec de la musique comme habituellement. On a commencé avec le Soupul qui sera au Mavrika Live, on en reparlera aussi. La Grande Bouffe, c'était le titre des Soupul qu'on a écouté. On a écouté aussi Barricade avec Les Élites, Laura Cox avec Hard Blue Shot. Et là tout de suite on va écouter un morceau de... Ah non, on a écouté aussi Hype Me avec Somebody. Et le prochain morceau, c'est Hervé Desroffes avec Une Autre Danse. Encore toi, mon bel amour, encore toi, moi je vais essayer de remettre le souffle court, de combattre les ombres du passé, de mon passé. Il y a des fantômes qui courent, ils dansent avec ma peur et mes regrets. Endors-toi mon bel amour, tous ces fâcheux, je les ferai valser. Et sur la lune claire, tu vas me lire pour notre danse, dans les mots de la terre, que léger sans importance. Il y a des naufrages invisibles, des mers de silence s'égarer. Il y a des étoiles futiles, je me suis perdu dans leurs reflets, pauvre mirage. Mais je bénis les jours de pluie, les lieux où on peut s'en habiter, tous ces moments de rien où le ciel semble vouloir nous exaucer. Sans importance. soir. Moi je vais essayer d'être celui du premier jour. Un fil en bulle sur un fil en papier. Who you're mad at? I'm styling, I know nothing else. They call you spears, they don't know what I mean. You talk too much, they run, I shut your own. Out of control, but my mind's okay. My life is sick, cause I don't know where to hide. This is over my green, sin on time my skin, cause I spend too much time to hide. The war and wait for your anger to grow. I wish I could run your life. If you get in my way, I will kill you. Don't spend your time, don't spend your money. You can't do shit except the decided lies. Can't buy silence for money. You keep on trying, you can't stop me. You're My Radio et la radio ce soir c'est Radio Arc-en-Ciel avec l'émission Mavrika et on va retrouver nos invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc on va déjà commencer par la personne qui est là tous les vendredis soirs. Salut Didier. Salut Albino, bonsoir tout le monde. Attends, je règle au même temps les micros, hein, comme ça. voilà. Salut Didier, donc. Ben, salut. Alors, tu vas nous raconter, peut-être nous parler un petit peu des concerts auxquels tu as assisté cette semaine. Ouais. Et aussi, tu vas nous parler, présenter l'agenda de Mavrika. comme d'habitude, à tout partir à de 22h. Voilà, voilà. Bah, pour la semaine, bon, bah, on était ensemble samedi dernier. Hein. Ouais, ensemble maintenant, c'était on le cas de ensemble dire. Maintenant, bah, c'était ensemble samedi dernier. Samedi dernier. Voilà, on a passé un très très bon moment. D'ailleurs, je tiens à féliciter l'association, je ne sais pas si c'est une association d'ailleurs, le comité des 100 arpents et puis le comité des fêtes des 100 arpents également. Et c'est l'Institut des 100 arpents, pardon, c'est pas le comité, c'est l'Institut des 100 arpents et le comité des fêtes des 100 arpents. Voilà. Voilà, ils ont très bien organisé ce concert. Toi, c'était la première fois que tu voyais ça Non, t'as... parce que j'avais fait le vide-grenier, moi. Ah ouais, d'accord. Déjà, mais ok, ouais, parce qu'ils organisent aussi les vide-greniers. Voilà. Mais c'était ton premier ensemble maintenant. Premier ensemble maintenant, et franchement, je suis tombé sous le charme de leur organisation et de leurs bénévoles, même et de leurs résidents qui sont très très gentils et qui se sont éclatés comme des bêtes. J'ai jamais vu des gens danser comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai découvert ensemble maintenant cet événement-là. Donc, c'était la 5e édition. J'ai découvert avec la 3e, j'ai fait la 4e, ouais. Et après pendant 6 ans, il n'y en a pas eu. Mais je sais que dès que j'ai été la première fois, j'ai découvert cet événement-là. Bah, c'était un bonheur, et puis avec toujours des bons groupes, hein, y a un bon choix aussi. Déjà, en plus, musicalement, c'était très bien choisi. Voilà. Et à noter que c'est quand même eux qui ont choisi, c'est-à-dire les résidents, voilà, qui ont choisi, et ils ont bon goût quand même. Ouais, ils ont très bon goût en tout cas. Très bon goût. Ils aiment le punk. De très bons groupes d'Orléans. Très bien, donc voilà. Et donc il y avait Thérèse Électrique, voilà, il y avait Yeti qu'on vient d'écouter, et il y avait aussi les Enfants de Panurge. Voilà, les sales gosses, les Enfants de Panurge. Ouais, qu'on avait fait jouer déjà aussi. Thérèse Électrique et les Enfants de Panurge ont déjà joué dans les mains VK Live. Donc ouais, ils ont bon goût, puisque nous aussi les avions déjà choisis. Ouais. Voilà, donc. Et puis hier soir, j'étais avec Jean-Benoît, on était à l'Astrolabe, on était voir des petits jeunes que tu connais. Que t'as déjà interviewé, donc Last Train, voilà. Et exactement, c'était moi je les avais interviewés, c'était à la Sardine. À la Sardine. Ouais. Et c'était passé il y a, ça date quand même, ça au moins 2 ans et demi, un an et demi, 2 ans. Ouais. Et puis moi c'était la 3e fois, voilà. Puis s'y repasse, j'y retomberai. Ouais, Last Train, 5 fois, 6 fois. Un très bon groupe. Hein. Donc on va saluer aussi notre invité, Jean-Benoît. Salut, ça va. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. T'étais déjà venu pour une émission. Ouais. Et toi, t'es le représentant, vraiment le représentant à la radio arc-en-ciel, du moins. Le représentant orléanais, mais bon, on commence à être un peu plus orléanais maintenant dans le groupe. D'accord. Vu que Phil est sur Orléans aussi, donc, mais bon, là, ce soir, il n'était pas disponible, il travaille sur Paris. Donc il n'a pas pu venir, puis Mickey était pris aussi. Donc, Ouais, bon, après, c'est pas toujours évident, mais bon, on réorganisera une autre émission, hein, puisque c'est la deuxième Jamais 203, comme avec on dit. Plaisir. Et donc tu vas nous parler du groupe Les Burning Head, un groupe que tout le monde connaît. La légende. La légende. Tout le monde connaît la légende, après. Tout le monde connaît la légende. Voilà, en privé, peut-être pas. Voilà, effectivement, c'est vrai que quand je parle souvent à des groupes qui tournent un peu dans la France entière, on leur parle des groupes orléanais qu'ils connaissent pas forcément, mais les Burning Head à chaque fois, Y a un effet de temps aussi. Ça fait plus de 30 ans que le groupe existe et plus de 30 ans que le groupe tourne. Je pense que sur la longueur, on a touché quand même pas mal de gens. Ça me paraît quand même un peu normal, dans le sens où on fait beaucoup de concerts. Et les seuls aussi à avoir fait ça. Avoir fait ça de durer aussi longtemps sur Orléans, oui, je crois que c'est un record, hein, c'est un record de longévité. Bah, ou en tout cas, peut-être pas sur. Enfin, on n'est peut-être pas les seuls à avoir joué aussi longtemps sur Orléans, mais on est peut-être. On fait partie des seuls à s'être vraiment. À être allé vraiment jouer vraiment partout en France. Pas être resté comme juste. Comme Guillaume aussi, peut-être. Ouais, bien sûr. Mais enfin, il y a plein d'autres groupes aussi. Je pense à Brigitte Bosch, je pense à. Il y a RN6. Des très bons groupes qu'on a déjà reçus ici. Mais qui jouent peut-être moins régulièrement que nous, après, sur la longueur. Nous, on a eu cette chance de pouvoir bouger et aller partout et faire des concerts dans toute la France, voire même en Europe et ailleurs. Plus loin, au Japon. Au Japon, aux États-Unis. Ouais, bah, C'est cool. Ça nous fait un peu rêver parce que à mon avis ça doit faire rêver pas mal de groupes aussi qui rêvent. Moi souvent j'en reçois tout le temps, mais il y en a souvent, ils me disent on aimerait bien faire une tournée déjà en France déjà pour commencer, sortir un petit peu d'Orléans. Ouais. Ça c'est déjà important, après toute la France, l'Europe et le monde quoi, parce que c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir voyager grâce à la musique et puis faire partager sa passion avec d'autres personnes qui sont réceptives. Hein. Parce que la musique, c'est un langage international, il faut quand même le dire. Ouais. Quel que soit l'endroit où on va, il y a toujours des gens qui apprécient. Ouais. Et puis après, on trouve toujours des gens aussi dans le style musical qu'on fait. Il y a toujours des petites niches un peu partout. On arrive toujours à trouver des gens, des aficionados de ce style-là. Après, on n'a pas joué partout, on a joué quand même dans des pays où de toute façon on savait que nous qui jouons du punk rock, on savait qu'il y avait du punk rock dans ces pays-là. Il y a d'autres pays qui paraissent plus compliqués pour ce style de musique, mais pourtant je pense qu'il existe quand même. Je pense à. Ah ouais, des fois ils sont peut-être pas sur le devant de la scène, oui, c'est mais, ça, ouais. mais ils sont underground quoi, ouais, comme ouais. on dit. C'est-à-dire c'est des groupes qui jouent un petit peu cachés dans les caves ouais. avec des passionnés, voilà. Et puis est-ce que tu crois que sur Orléans il n'y a pas aussi des groupes un petit peu comme ça qui jouent un petit peu entre eux aussi. Et après on a un petit peu du mal à les voir dans des scènes un peu plus grandes. Bah, rien qu'au 108, tous les groupes qui répètent au 108, c'est juste énorme. Ouais. Et tous ne font pas des concerts. Et il y en a qui n'ont pas envie non plus de faire des concerts d'ailleurs, qui jouent. Voilà, ils font un groupe pour jouer de la musique, ils sont entre potes, ils aiment ça et ça leur suffit, ils n'ont pas l'intention d'aller faire des trucs ailleurs que dans leur local de répète. Et pourquoi pas, mais il y a plein de groupes qu'on connaît pas et on peut pas aller à tous les concerts non plus, donc. Voilà, petit à petit, nous, ça fait 10 ans qu'on fait l'émission et on en a reçu pas mal, mais on n'a pas fini de tous les recevoir. Il y a encore plein de groupes qu'on a envie d'inviter. Ouais. Parce que nous, c'est pareil, on va à des concerts, des fois on va voir un groupe, on en découvre un autre, on va les voir aussi, on discute. Vous êtes aussi vachement, vous êtes super actif à ce niveau-là aussi. Vous êtes vraiment passionné par rapport à la musique et vous n'hésitez pas à vous déplacer, à aller voir des concerts, même des trucs que vous ne connaissez pas forcément. On a des très bonnes surprises. Hein. Voilà, c'est des ça. Fois, on va comme ça, on se dit, tiens, il y a un groupe ou il y a un événement, il y a plusieurs groupes, on va les découvrir. Des fois, pas plus que ça, et d'autres fois, on adhère bien, et puis voilà. Bon, après, on essaie aussi de répondre à toutes les demandes, parce qu'on a énormément de gens qui nous envoient des petits messages, ils nous envoient leurs sons, on diffuse aussi dans la radio. Et puis après, nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi recevoir les personnes. Donc, une fois qu'on a un contact, on essaie de les faire venir, et puis on cale une date, et c'est pour ça qu'on est toujours. Overclocké parce que on a plein de monde jusqu'au mois de janvier pratiquement. C'est ce qui fait vivre la scène aussi. Voilà. Chapeau. Et puis en tout cas, nous, c'est un plaisir aussi de rencontrer des gens parce que la grande majorité, il faut quand même le dire, c'est des gens bien. Hein. C'est des gens qui ont envie de partager quelque chose. Ouais. Ils ont la même passion que nous, donc ça se passe toujours très très bien. Il y en a certains, mais on ne les citera pas dans le studio. Mais... ouais, sauf un. Sauf un. Ouais, on le dit. Non, je plaisante. La grande majorité des cas, ça se passe super bien. Les émissions et c'est toujours un plaisir pour nous. C'est pour ça qu'on fait ça, Didier. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc tout à l'heure, je voulais te poser une question, mais tu as répondu dans ta phrase. Je voulais dire quel style de musique, parce que tu parlais de style musical, donc tu l'as répondu un peu après. C'est donc toi, tu te qualifies comme groupe de punk rock. Punk rock, ouais, puis reggae aussi, parce qu'on mélange les deux. Le côté opposite. Ouais, on aime bien ce mélange des genres. Et oui, punk rock, effectivement. C'est la musique rock, mais un peu plus violente. Voilà. Punk rock. Après, vous avez des trucs, c'est vraiment du rock'n'roll, et puis d'autres trucs où c'est vraiment du speed rock qui envoie très vite, des morceaux qui durent une minute ouais, et quelques. Ça va du punk rock ou hardcore. Ouais. On aime bien tout, on aime bien ces styles-là, donc on fait la musique qui nous plaît, donc on s'arrête pas juste à un style musical. C'est pour ça qu'on va du punk rock au reggae, en passant par le hardcore, effectivement. Et d'autres dans le groupe font aussi la musique, ont fait ou font encore d'autres styles de musique chez eux, soit sur leur ordi, soit à la guitare. Enfin, Il reste Il n'y a pas de limite à la musique. Ouvert, quoi. Même si vous avez un style, vous jouez ça, mais vous écoutez aussi autre chose, vous êtes ouvert. Et en plus, le style correspond peut-être à une époque avec, avec les Clash, je crois que c'est une des influences que vous avez eues, qui mélangeait un peu le reggae, les groupes anglais en général. Il y a eu les groupes Sky, il y a eu la grande mode de Sky il y a quelques années, c'était dans les années 80, c'est ça 80, ouais. Donc il y avait eu un petit peu le mélange, il y avait aussi des groupes comme Police qui avaient intégré un petit peu le reggae blanc, qu'on disait à l'époque le reggae. Ouais. En vérité, c'était les gens qui étaient venus de Jamaïque, les anciennes colonies de l'Empire britannique qui étaient venus un peu à Londres, qui avaient amené cette musique-là. Et là, les jeunes, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, ils ont écouté ces musiques-là, ça leur plaisait, ils les ont repris à leur sauce. Oui, puis il y a eu un rapprochement entre les punk rockers de l'époque et les Rastaman, parce qu'ils se battaient quelque part. Enfin, ils défendaient quelque part les mêmes valeurs contre Babylone pour les Rastaman et contre le système pour les punk rockers et essayer de faire par soi-même, do it yourself, les choses pour faire la musique, pour se débrouiller, pour continuer quand même à faire ce qu'on aime. Et il y a eu ce rapprochement là. Ils vivaient dans les mêmes ghettos, enfin dans les mêmes cités. Et même si la musique était différente, l'esprit l'esprit était le même, quoi. Ouais, les valeurs à défendre étaient les mêmes et tout ça. Donc effectivement, et là, à l'instant, il y avait aussi un groupe qu'on a écouté, c'est le groupe Yeti. Est-ce que tu le connais un peu, ce groupe-là? Non. Je peux te dire qu'ils sont fans des Burning Head, parce qu'on les connaît bien, ils sont venus plusieurs fois. Et ils ont aussi ce côté un petit peu où ils mélangent des morceaux de reggae avec du rock. Donc voilà, c'est des gens un peu de notre génération aussi. Je suis sur Facebook un peu, mais j'ai jamais eu l'occasion de les voir en concert, effectivement. Voilà. Donc voilà, un groupe à découvrir. Je suis sûr qui te plaira. En tout cas, eux, ils adorent les Burning Head. Ils ont eu l'occasion de le dire il y a pas très longtemps, quand ils sont passés dans l'émission pour Ensemble Maintenant. Ouais. Ça fait partie de leurs références. Ouais. Voilà. Ouais, c'est cool. Groupe de punk rock, on va dire comme ça. Ouais. Vous l'assumez totalement. Ouais. Et j'ai vu aussi, il y a une page où il y a les fans de les gens qui aiment, je me souviens plus du terme exactement. Ouais, les gens qui aiment Burning Head. Les amis qui aiment Burning Head. Ouais, voilà, les amis qui aiment Burning Head. C'est fan qui a monté cette page-là et qui a regroupé pas mal de gens autour de ça. Et à un moment, j'ai vu, il y avait eu un DJ qui parlait de. Je ne connais pas, mais parler de toutes ces influences avec des trucs très électro et tout ça. Et à un moment, elle cite les Burning Head, c'est quand même quelque chose, une référence. C'est un disque qu'elle a usé sur sa platine. Par le biais de son grand frère, a priori, qui écoutait ça, et elle a baigné dedans. Et après, elle est partie sur une direction plus techno, mais ça fait partie de sa jeunesse. Ouais. Mm-hmm. Et elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié, effectivement. Elle l'a cité, les Burning Head, effectivement. On parle un petit peu de ce qui s'est passé depuis ton dernier passage ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ouais, c'était pour... Je vais le retrouver, à la limite, qu'on passe un petit peu de musique. L'album, c'était Hard Time for Dictator. Encore avant. Je vais le retrouver. C'était Choose Your Trap encore. Ah, voilà. D'accord, ok. On était encore sur cet album-là. Choose Your Trap. D'ailleurs, on écoutera quelques morceaux aussi. Tu nous diras les morceaux que tu préfères. Il n'y a pas de souci. Que s'est-il passé depuis? Donc, un nouvel album. Alors, avant le nouvel album, déjà, Choose Your Trap, on a fait. Cet album-là est sorti il y a assez longtemps maintenant. 2014, je crois, pour le 2014-2015. On a fait pas mal de tournées pour promouvoir cet album-là, et après, à la fin de la tournée promotionnelle, on a fait une tournée anniversaire des 30 ans Burning Heads. En 99, non. Non, on a changé de siècle. En 2019. 2019, ouais. En 2019, on a fait 30 dates pour les 30 ans du groupe. Et sur ces 30 dates, on a essayé d'inviter à chaque date des groupes qu'on aimait bien. Donc on a partagé la scène avec une quinzaine de groupes, une quinzaine de groupes différents, en faisant deux ou trois concerts par soir avec un groupe, on partageait deux ou trois concerts avec le même groupe et on changeait après sur la tournée. Je sais pas si je me on a compris. La question que je voulais te poser, c'est justement, est-ce que tu vas peut-être pas te souvenir de tous les groupes, mais est-ce que tu pourrais en citer quelques-uns justement des... Alors oui, bien sûr, on a joué avec le Peuple de l'Herbe, avec qui on va rejouer bientôt. Mm-hmm. On a joué avec Unsane, c'est un groupe américain qui était venu, en tournée à cette époque-là et qu'on a réussi à faire sur deux dates avec nous en France. On a joué avec Spermbird, qui est un groupe allemand, qui est un vieux groupe aussi, qui a une bonne trentaine d'années, voire un peu plus, qui a été une des influences aussi des Burning. On a joué avec les Sleepers de Bordeaux, on a joué avec plein d'autres groupes plus récents aussi, mais à chaque fois, voilà, c'est des groupes soit qui nous ont influencés, enfin qui nous ont beaucoup marqué et qu'on aimait faire, avec qui on aimerait faire quelque chose, soit des jeunes groupes aussi qui nous ont bien plu et à qui on a demandé s'ils étaient ok pour venir jouer avec nous. On a essayé d'ouvrir cette première partie à des groupes étrangers, mais c'était moins évident que pour les faire venir que les groupes français. Mais bon, on a quand même réussi à avoir un groupe américain, un groupe allemand, un groupe hollandais aussi, Vitamin X. Voilà, on a réussi à ouvrir un peu tout ça. On a essayé d'avoir des groupes italiens, ils n'ont pas pu venir. Enfin bon, voilà. Ah oui, c'est pas toujours évident organiser des événements, ça c'est sûr. Et surtout que là, il y en avait 30, donc sur les 30, il y en avait forcément certains où il y a eu des possibilités. Donc vous avez réussi quand même à vous débrouiller et puis à chaque fois à présenter des groupes différents. Ouais. Et c'était des bonnes soirées. Enfin, c'était des soirées où, en général, où il y avait trois groupes par soir. Donc en plus du groupe que nous on invitait, il y avait une première partie qui était un petit peu découverte en général, qui était proposée par l'organisateur, mais qui allait un peu dans le sens de la soirée quand même, qui n'était pas complètement différente. Il faut quand même que ça puisse cohabiter, parce que les gens qui viennent vous voir, si vous passez un truc complètement différent, peut-être ça ne leur plaira pas. Ça peut marcher, étant donné que notre style est quand même assez varié. Assez large, assez large. Ouais. Ça peut marcher quand même, mais il fallait que ça soit, que le groupe soit un petit peu découvert, il fallait qu'il y ait quand même une... que ça colle avec l'esprit des 30 ans et l'esprit qu'on voulait, le partage qu'on voulait faire sur ces concerts. Très bien, donc on a déjà parlé pas mal de choses, on a beaucoup parlé déjà. Je propose qu'on écoute un petit peu de musique, mais il y a encore plein de choses à dire. Donc depuis ton dernier passage, on va essayer de chercher la date et tout ça pendant qu'on écoute de la musique. On va chercher la date, on va chercher le numéro de l'émission, et comme ça, il y a eu ces 30 concerts pour les 30 ans des Burning Head. Voilà, déjà 30 ans, voilà. le temps passe vite, donc régulièrement, dans les 30 prochaines années, vous allez revenir ici dans l'émission Mavrica pour continuer à nous raconter l'histoire. Je souhaite à Mavrica aussi. On va écouter donc un petit peu de musique tout de suite. C'est parti, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. Body of plate, may have to work and start some action. I've lost my ticket. Who's to blame? The spiral has begun. Écouter un premier morceau de des Burning Heads, donc nos invités de ce soir, c'est tiré de l'album Choose a Trap. Voilà, chercher le nom et le nom du titre, le titre du morceau, tu le souviens? A True Life. Ouais, True Life. A True Life. Et juste après, c'est peut-être un groupe que vous connaissez. Ouais, un oui, je sais bien. Un Common Man from Mars. Voilà, c'est pas évident à dire. Mais Enco, c'est plus rapide. Ouais, Enco. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Lifetime Bus Stop. C'est sur leur dernier album, c'est ça. Enfin, le dernier album qu'ils ont sorti, celui avec les chœurs. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, il est. Mm. C'est un morceau qu'on écoute assez régulièrement parce qu'on aime bien ce groupe-là. Et je sais que vous aviez tourné aussi avec eux, ouais. Donc vous les connaissez très bien. On avait fait 50 dates avec eux. 50 oui, jours, 50 dates. Voilà. C'était bien, comme bien. Très bien. 50 jours, 50 dates, 30 même ans, 50, 30 concerts. 51 jours, 50 dates. On avait rajouté. Enfin, voilà. Bon. Ouais, on aime bien les séries comme ça. C'est, voilà. C'est les séries qui marquent. Très bien. Là, j'ai tout retrouvé, mais j'ai tout ouais. perdu. Ben mince, attends. C'est pas décembre, fin d'année. Voilà. Alors, j'ai tout retrouvé, je suis remonté, c'était l'émission numéro 302, et c'était le vendredi 2 décembre 2016. Décembre. Donc c'était au mois de décembre, donc... Ouais, je sais pas pourquoi, j'étais bloqué sur octobre à cause des pétards. Ah oui. Ah oui, les pétards, oui. Effectivement, ça me rappelle des souvenirs. Des restes d'Halloween, peut-être. Voilà, je mets ça. Voilà, donc tu t'es venu donc le 2 décembre 2016. Et depuis, donc il y a eu la tournée des 30 ans. Ouais. Quoi d'autre? À la sortie de cette tournée, en fait, on nous a proposé de faire les 31 ans Burning Heads. On nous a ouvert une scène et la programmation pour le Hellfest. Mmh. Donc on a fait toute une journée sur la Warzone au Hellfest, où on avait libre choix relativement dans la programmation, ou en tout cas on pouvait proposer tout un tas de groupes qu'on aimerait faire venir pour faire cette journée anniversaire. Et donc on a proposé une trentaine de groupes, il y en a une bonne dizaine qui ont été retenus. Et du coup, on a fait voilà, ce 31e anniversaire. C'était vraiment un très très beau cadeau d'anniversaire que le Hellfest nous a fait là, sur la Warzone, toute la journée. Ça a commencé à 11h du mat à fond, avec les hardcoreux de Serrières, les gars de Vendée. Enfin, je vais me faire engueuler, c'est peut-être pas la Vendée. Enfin, Boonkoum, c'est vraiment c'est un groupe qui a une vingtaine d'années, qu'on ne connaît pas énormément d'ici, mais qui sont très très très très implantés dans la scène hardcore en tout cas. Ensuite il y avait Sperm Birds qui sont revenus, il y avait Ardens qui ont pu venir aussi, qui a une très très grosse influence, ça a été une très grosse influence Burning. Ardens, ils étaient passés à Toury en 80, dans un bar à Toury en 87 je crois. Et il n'y avait pas beaucoup d'Orléanais qui s'étaient déplacés pour aller les voir. Enfin, il y en avait quand même quelques-uns, mais ça avait retourné le cerveau à tout le monde. Les gens s'attendaient à voir un groupe de punk rock australien comme ils avaient un peu l'habitude d'entendre à l'époque, c'est-à-dire plus Radio Berman, Dudu Goose, des groupes beaucoup plus rock. Ils sont tombés sur trois espèces d'allumés qui faisait une espèce de punk rock complètement déjanté, enfin pieds nus, torse nu, enfin ça a retourné le cerveau à plein de tous les gens qui étaient là en fait. Et ça a été vraiment une grosse influence, enfin ça fait partie des grosses influences Burning Heads. Donc il y avait les Ardons, il y a eu Uncommon for Mars qui ont rejoué aussi, qui se sont reformés pour l'occasion. Oui, effectivement, parce qu'ils ont tous des projets maintenant un petit peu à part. Hein. Oui, puis ils avaient splitté, enfin ils avaient arrêté le groupe. Mm-hmm. Il y avait en reformation aussi, il y avait 7-8. Mm-hmm. Pareil, qui est un groupe des années 90. Avec qui on avait pas mal joué à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, ça a fini par Bad Religion, qui est un très très gros groupe américain de punk rock californien. Et le groupe, tête d'affiche, je ne me rappelle plus du nom. Je me suis arrêté à Bad Religion. Non, mais bon, ça arrive des fois devant le micro, on ne se souvient pas. Si ça te revient en cours d'émission, tu le rappelleras. Je pense que j'ai dit que la moitié des groupes qui sont passés sur. Ouais, après c'est évident. C'est pas évident. Après, il aurait fallu tout marquer parce que là. Alors, c'était le 22 juin de l'année dernière. Je vais regarder si je trouve un truc. Ah, il va faire de la recherche. On fait de la recherche en même temps. Ah oui. Voilà. Nous, on aime bien dire les choses au complet. Ah, bon, ouais. C'est vrai que des fois, on parle un petit peu de tête. Rise Against, je crois. Quelle année tu m'as dit? Rise Against. Ah, ouais. Ah oui, Rise Against. Oui. Ah oui, carrément. Ah oui. L'année dernière. 18. Ouais. Ouais. Parce qu'on est encore en 19, hein, pour quelques mois. Donc, c'était en 2018. Voilà. Bon, continuer à chercher. Voilà donc pour les 31 ans des Burning Head, le Hellfest vous a fait un bon cadeau en vous proposant une scène et vous avez fait jouer les groupes que vous aimiez. Voilà, ils nous ont ouvert des bons groupes en plus, hein, parce que là tu nous en as cité quelques-uns. Bon, on les connaît pas tous parce que bon, forcément, mais ce qui n'empêche que si vous les avez choisis, c'est que c'est des bons groupes. Et après, il y a aussi comme des références, hein, donc des groupes américains et tout ça que vous avez fait venir. Et après, il y a eu d'autres choses encore. C'est un moment important. À la sortie de ce concert, c'était durant l'été. Pierre nous a dit qu'il allait arrêter le groupe. Donc, on a fait les derniers concerts qui nous restaient à faire jusqu'à la fin de l'année. Et après, il a quitté définitivement le groupe. Ça, c'était un petit peu la nouvelle. Alors, on se demandait, le groupe, qu'est-ce qu'il va devenir? Bien sûr, va repartir, parce que Pierre, c'est quand même un membre ultra important. C'est le chanteur. c'est le chanteur, et il compose aussi les morceaux. C'est la voix de Bernie Head pendant des années. Voilà, c'est... pratiquement depuis le début. Ouais. Donc forcément, oui, ça marque. Ah, t'as retrouvé. Voilà, on arrive à tout retrouver. Rise Against, Bad Religion, 7 Seconds, et n'avait pas pu venir parce que le guitariste original qui était mort, donc ils ont complètement arrêté. Ah ouais, c'est difficile de venir. Ouais. Burning, Uncommon Man, Sperm Birds, Ardent, 7-8. Donc, ben non, j'ai pas loupé grand chose. Non, t'as pas loupé grand chose. Non, t'as pas loupé grand chose. Mais peut-être 7 Seconds avait été peut-être remplacé. Je sais plus. Là, voilà, ça, j'ai du fou dans tes souvenirs, mais c'est pas évident. Regarde les noms qui sont à côté. Joanne Jett, Stone Sour, Deftones. Avenged Sevenfold. Après Hellfest, hein, tu dis Hellfest, voilà. Megadeth, Accept, Marilyn Manson, Alice in Chains. Avec ça, déjà, j'arrête là. Ouais. Je t'avoue que nous, on est essentiellement restés sur le Warzone, vu le. Ouais. Le vendredi, en tout cas. Et encore, on n'a pas pu tout voir parce que, on a profité aussi du Hellfest pour, vu que c'est quand même un lieu où se retrouvent énormément de médias aussi. On a fait aussi beaucoup d'interviews dans la journée. Ça n'a pas été que du concert, quoi. Ça a été une journée assez, assez productive. Donc on n'a pas pu voir tous les concerts qu'on aurait voulu, mais en tout cas, voilà, on était là et on a profité quand même à fond de cette belle fête. Et donc l'annonce. Pierre qui arrête le groupe, donc voilà. Enfin, il passe à autre chose. Et par contre, Pierre s'en va, mais nous de notre côté, on n'a pas spécialement envie d'arrêter non plus. Ouais. Donc à trois, c'est pas évident. Quand on est habitué à avoir deux guitares, se retrouver juste en trio, c'est pas évident. On va rappeler le nom des trois. Donc Jean-Benoît. Ouais, Mikis à la guitare et Thomas. Voilà. Batteur originel, de toute façon, de merde. Donc on réfléchit un peu comme ça, qui pourrait venir jouer de la guitare avec nous. On ne trouve pas trop. Et puis. Il s'avère que je vais à un concert un soir, je tombe sur un pote qui connaît un autre pote qu'on connaît très très bien, qui me dit tiens, tu sais pas qu'est-ce que je vais enregistrer bientôt là, un gars qui joue de la guitare et qui chante. Je connais tellement de gens qui jouent de la guitare et qui chantent. Je sais pas. On en relaie quelques-uns. Et là il me fait Philippe le Suédois. J'ai un Philippe le Suédois qui joue de la guitare et qui chante. Mais c'est très intéressant. Le Suédois, comme on l'appelait, ouais. C'est le guitariste originel des Burning qui est parti en 2000, qui a quitté le groupe, qui a arrêté un petit peu la musique un certain temps et qui là se remettait à jouer un petit peu de guitare chez lui, mais alors pas du tout du punk rock. Enfin, là ce qu'il a enregistré, c'était plutôt du bluegrass, voilà, des guitares sèches, puis voix, chant un peu country bluegrass américain, quoi. Et c'est bien déjà qu'il joue de la guitare, mais ça serait bien qu'il joue. De lui demander s'il voulait pas rejouer de la guitare vraiment, s'il voulait pas revenir jouer de la guitare avec nous. Et on l'a appelé et on lui a demandé je dis pas oui mais je dis pas non mais je dis pas on lui demandait à réfléchir je dis pas non je dis pas oui mais je dis pas non en tout cas, donc je passerai peut-être et le répète voir ce que ça donne. Quitte à passer on met tes guitares et puis puis on met sa guitare et puis ça l'a fait direct, quoi, de toute façon. Et voilà, comme il dit, il a toujours aimé jouer du punk rock. Il n'y a pas de raison qu'il aime plus en jouer, quoi. C'est pas parce que là il jouait autre chose à la guitare qu'il n'avait pas non plus cette envie-là qui est complètement refoulée. Ouais, il était tombé dedans quand il était petit, donc forcément ça reste à vrai. Donc voilà, Phil nous a rejoint et on a pu recommencer à refaire refaire les répètes et refaire quelques morceaux comme ça. Et on s'est dit à ce moment-là, ce qui pourrait être pas mal, ça serait de faire des reprises travailler des reprises, essayer de trouver des groupes qui nous ont influencés sur toute notre période de groupe. Et puis vu qu'on n'a pas de chanteur, on va demander à différents chanteurs de venir chanter sur ces reprises et puis de sortir un album de transition comme ça, le temps qu'on n'a pas, tant qu'on ne sait pas qui est-ce qui va chanter, si c'est un de nous qui allons chanter ou si on va demander à quelqu'un de venir chanter. Voilà, pour l'instant, pour s'amuser, on va faire des reprises et puis demander à plein de chanteurs de venir chanter. Donc on a fait une petite liste. On a sorti 50 morceaux comme ça. On a entouré tous ceux qu'on avait à peu près en commun. Et on s'est retrouvé à jouer, à faire 19 reprises et à demander à 19 chanteurs de venir chanter sur ces morceaux. Donc on a enregistré ça là il n'y a pas très très longtemps. Au mois de mai, je crois, de cette année. Mmh. Et une fois que c'est enregistré, on a envoyé les bandes aux différents chanteurs et ils ont posé leur voix dessus. On vient de récupérer tout ça et là, ça sort. On sort de studio, on sort du mixage. On attend plus que d'avoir. On attend d'avoir les sous pour pouvoir envoyer tout ça au mastering et normalement, on devrait sortir un album. Donc un peu spécial au début de l'année prochaine. Donc voilà, ça retrace effectivement, enfin c'est un hommage aux années 90-2000 de punk rock essentiellement, sur tout un tas de groupes qui nous ont pas mal influencés ou qu'on a beaucoup aimé en tout cas pendant toutes ces années et qu'on aime toujours d'ailleurs. Mm-hmm. Et c'était rigolo à reprendre, enfin reprendre comme ça, c'était assez cool. Après, ça nous a permis aussi, nous, d'essayer de chanter, de s'apercevoir que, non, on n'était pas chanteur. Il faudrait bien que quelqu'un vienne chanter si on voulait pouvoir continuer. Ouais, vous faites les chœurs, vous chantez, j'ai eu l'occasion de vous voir déjà sur scène. Chanter vraiment la voix lead, c'est quelque chose de particulier. Ouais. Et c'est vrai que, un chanteur comme ça, vous êtes des musiciens et vous faites aussi du spectacle, hein, parce que quand on va voir les Burning Heads, ça va dans tous les sens. Il y a quand même la présence. Mmh. Et donc, un chanteur, c'est vraiment celui qui est juste sur le devant de la scène. Et puis après, il faut aussi qu'il ait la voix qui va représenter le groupe. Quoi. Ouais. Voilà. Voilà. On a été jusque-là. Très bien, donc cet album sortira en début 2020. Ouais, début de l'année prochaine. Voilà, avec plusieurs chanteurs différents. Avec 19 chanteurs et chanteuses. Je ne vais pas te demander de les citer, parce que si tu ne les as pas marqués, tu risques d'en oublier. Mais bon, on attend ça avec beaucoup d'impatience en tout cas. Voilà, donc, et après, peut-être avec une nouvelle formation, donc nouveau chanteur. Là, en tout cas, en attendant, on a une tournée qui est prévue. On part en tournée à partir de la semaine prochaine. On fait 10 dates en commun avec deux groupes totalement différents. Le Peuple de l'Herbe, qui est un groupe plus hip-hop, mais joué. Donc guitare, basse, batterie et deux chanteurs devant qui envoient. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment avec basse, batterie et tout ça. Ouais, il y a quand même des machines. Ouais. Il y a quand même c'est plus de DJ, en fait. Je pense qu'ils ont encore un peu évolué par rapport à il y a 2 ans quand on avait fait la tournée de 30 ans. On avait fait quelques dates avec eux. Ils ont encore un petit peu évolué par rapport à cette époque-là. Et là, je pense qu'ils ont beaucoup moins de machines, un peu plus de DJ. Et assez crossover, mais vraiment hip-hop et bien vénère. C'est du hip-hop énervé. Ouais, il y a quand même ça fait assez old school quand même dans le genre hip-hop. Et nous on sera en général en premier sur la tournée. Ensuite il y aura le Peuple de l'Herbe et en fin de concert il y aura Brain Damage, qui est un gars qui fait du dub électro, où là il est tout seul avec ses machines et il envoie un bon gros dub, bien reggae dub, en fin de soirée. Ça sera bien En tout cas, trois trucs super quoi à voir. Donc les Burning Heads, le deuxième, le peuple de l'herbe, le peuple de l'herbe, et enfin le troisième, Brain Damage. Brain Damage. Mm. Non, j'ai déjà vu ce nom-là quelque part aussi. Donc, ouais. Voilà. Bah, de toute façon, Brain Damage, c'est pareil. Ça fait une bonne vingtaine d'années qu'ils existent. Le peuple de l'herbe, pareil, ça fait une vingtaine d'années. Voilà, c'est des, tout ça, c'est des groupes qu'on croise. Qu'on a croisé assez régulièrement sur toute la durée de notre existence en tant que groupe et avec qui on s'entend très bien à chaque fois et là ça sera un pur plaisir de faire une tournée avec eux. Très bien, donc ça fait 31 ans de Burning Head. Vous en êtes à combien d'albums? Je crois, là, c'est 16, je crois. 16. Ouais, je crois que To The Tramps, le 16e album. À peu près. Je sais plus, il faudrait que je recompte. Mais on compte pas. Voilà, tu vois, à chaque fois. Enfin, les albums, c'est assez facile à savoir. Et je devrais m'en rappeler parce que c'est quelque chose qui est quand même physique. Et on peut les avoir sous la main et on peut les compter assez facilement. Par contre, quand on nous demande combien de concerts on a fait. Ah ouais, ben ça les concerts. On n'a jamais comptabilisé. T'en as annoncé déjà 90 en trois tournées déjà. Donc, je suis sûr qu'au niveau des concerts, au niveau de tous les gens qui vous suivent, les gens qui ont été vous voir à tel ou tel concert, des fois ils vous disent tiens, je t'ai vu à tel endroit, vous vous souvenez même plus tout à fait exactement. Et après, il y a aussi des photos qui sont prises parce qu'il y a toujours des gens qui vous suivent, des gens qui vous prennent en photo, donc vous revoyez les trucs. Ça marche surtout. En tout cas, au niveau des photos qu'on peut voir par internet et tout ça, ça marche essentiellement à partir de 2000, des années 2000, où internet a commencé à vraiment arriver en France et où il y a encore une actualité qui est en train de se monter, c'est qu'il y a deux personnes qui se sont mis dans la tête d'écrire un bouquin sur les Burning. Bah, c'est une bonne idée, je trouve. Je crois que c'est un bouquin qui va nous intéresser, ça, Didier. C'est clair. Je pense que... Ils espéraient faire un truc pas trop épais pour pouvoir attirer plus de monde et que les gens qui n'aiment pas trop lire se disent ouais c'est bon, ça va, il n'y a pas trop de trucs, je vais pouvoir le lire, mais plus ça va, plus ils ont de matière et moi ils vont réussir à faire un truc. Oui, parce qu'après c'est pas évident à sélectionner parce que qu'est-ce qu'on met pas, si on développe là-dessus, bah ouais, mais il faudra aussi parler de ça donc. Et puis au bout d'un moment, Et puis à la préface aussi, parce que avant les Burning il y avait aussi des groupes. Il y a les Burning ont été la suite musicale pour Thomas y jouait dans Comme une Tarn Sect avant les Burning. Enfin bon, il y a eu toute une scène avant qui existait, bien sûr. Et donc faut aussi parler de ça. Enfin bon, au début du bouquin, il y a un des deux gars qui s'était mis en. Enfin, qui s'était dit, je vais essayer de faire un historique de tous les concerts qui sont passés sur toutes les années. Donc, je vais remonter toutes les années et puis je vais noter tous les concerts. Ça n'a jamais été fait. Voilà, c'est un travail d'archives qui m'intéresse. Je vais faire ça. Et il a réussi à remonter jusqu'à 2000. Mais 99, c'est 98, mais à partir du moment où il n'y a plus internet pour retrouver de. Moi ça va, ce gars-là, en septembre, il a pris un nouveau boulot et il s'est retrouvé directeur de la Fanzinothèque à Poitiers. Ah ouais, donc il va retrouver encore des choses. il y a du boulot quand même. Hein. Ouais. Donc le premier tome sortira de grand. Normalement, ça devrait sortir en début d'année prochaine. Encyclopédie en 100 tomes et le premier sortira très bientôt. Et vous avez jamais noté vos concerts à chaque fois que vous faisiez un concert? Non. Si on les note pour savoir quand est-ce qu'on va jouer là, mais après une fois que c'est passé. On n'a pas. Pour penser au départ, c'est-à-dire putain, c'est les archives et tout. Il aurait fallu faire. Il aurait fallu faire dès le départ. Vous gardez les affiches ou un truc comme ça et puis. T'imagines? Ouais, mais j'imagine. Mais bah moi, j'imagine même pas. J'en ai jeté énormément. Par contre, tu te fais ça aux enchères et tu donnes ça à une assoce après. Et puis, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui recherchent les vieilles affiches. Moi, je pense que les. Je suis content de tomber sur des vieux trucs aussi, mais c'est pas pour ça que je vais les récupérer et que je vais les afficher chez moi. Parce qu'en plus, les affiches punk rock, elles ont l'avantage d'être des affiches en général, des dessins. Des graphistes, un petit clin d'œil à la BD, des choses comme ça. C'est le côté qu'on aime bien. Effectivement, rien qu'avoir l'affiche, on sait à peu près le style de musical parce qu'elle correspond un petit peu à ça. Très bien, on écoute encore un peu de musique parce qu'on papote, hein, mais le temps il passe vite, mais on a tellement de choses à dire en même temps. Tout à l'heure on a écouté le côté un petit peu rock de cet album, donc Choose Your Trap, et on va écouter un petit peu le côté opposite. Voilà, on va écouter un petit peu de musique un peu style reggae. Alors Reggaeta de blanc. Je propose qu'on écoute Spirit of 68. Et c'est un très bon choix, c'est un morceau. Et c'est la version numéro 2. Ok. Voilà. C'est ça que j'ai mis, mais. Bah parce qu'il existe une version numéro 1 qui est beaucoup plus punk rock, justement. Et qu'on a réadapté en version opposite, donc plus reggae. D'accord. Et moi j'aime bien ce morceau-là, donc on va l'écouter, on va se faire plaisir. Et après, c'est pareil dans cet album, si tu as d'autres morceaux que tu as envie de diffuser, je l'ai là, ici. Ouais. Tout est numérisé. Donc on peut. Et j'ai même quelques autres albums, hein, on peut remonter un petit peu le temps. Là pour l'instant, on écoute Spirit of 68, les Burning Head. Donc le deuxième morceau de cet album Choose Your Trap des Burning Head, et ça s'appelle Spirit of 68. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica, et on va retrouver donc notre invité, puisqu'il est tout seul, il représente le groupe Burning Head. C'est notre ami JB, JBE, on dit Jean-Benoît. Jean-Benoît, voilà, comme ça, ça sera plus simple. Donc voilà, il y a eu plusieurs concerts, donc il va y avoir un enregistrement bientôt. L'enregistrement est déjà fait. Il y a une sortie d'album au début de l'année. D'album, donc le mastering. Une tournée en fin d'année, une sortie d'album au début de l'année. Alors ça va être deux choses différentes. La tournée, c'est vraiment une tournée spéciale où on partage la scène avec des amis, et on va faire une grosse fête pendant 10 concerts. On joue d'ailleurs à Tours, à côté de Tours, le 1er novembre. Donc le 1er novembre, c'est pas Mont-Louis-sur-Loire. C'est pas très loin, et ouais. Tours, c'est pas très loin non plus d'Orléans. Donc c'est, ça, c'est bien à de côté dire. De Tours, c'est à Mont-Louis-sur-Loire, c'est à l'espace Ligérien. Mm-hmm. Mais tout ça, de toute façon, c'est annoncé sur notre page Facebook. Ouais. Si on veut se tenir au courant, c'est annoncé sur la page Facebook. La tournée est annoncée aussi, enfin sur les réseaux sociaux en général. Et la tournée s'appelle Big Takeover, parce que c'est un morceau de Bad Brains, qui est un groupe américain qui a bien mélangé. Ce sont des Afro-Américains qui ont joué du reggae et du punk rock. Mmh. Et ce morceau collait pas mal pour un titre collait pas mal à la tournée où on va mélanger aussi du punk rock et du reggae sur les trois groupes qui seront présents. Et le Big Takeover, on a fait une reprise, la reprise des Bad Brains d'ailleurs sur l'album à venir, et on l'a fait chanter par un des chanteurs du Peuple de l'Herbe. D'accord. Donc voilà, ça amène un petit peu cette tournée aussi. Un peu l'esprit aussi de la tournée, le partage. Ouais, il y a un esprit aussi Burning Head. Hein. Moi, je sais que vous êtes très apprécié. J'ai jamais entendu personne dire du mal de vous, parce que il y aura toujours des mauvaises langues, mais parmi les gens qui aiment la musique en général et qui vont au concert et tout ça, j'ai toujours entendu dire bon, les Burning Head, on aime bien ce qu'ils font et tout ça. Même, et vous savez aussi marier plusieurs styles. Donc quand on va voir les Burning Head, on sait qu'il y aura toujours quelque chose qui va nous plaire, de toute façon d'une manière ou d'une autre. Même s'il y a d'autres choses qu'on aime un petit peu moins, ouais. Peut-être. Hein. Mais certains c'est plutôt le côté reggae, l'autre c'est le côté plutôt hardcore. D'autres côté plus au rock'n'roll, donc il y a un petit peu tout ça. Et il y a aussi cet esprit. Moi je me souviens d'un truc qui s'était passé, c'était au Festival Tartare. Je sais pas si tu te souviens, vous avez. Festival Tartare, ouais, vous avez joué dedans. c'est à Chessy, c'est ça, hein, il me semble. C'est pas à Main-sur-Loire, à Boule. Je me souviens plus. Non, c'est pas Tartare, c'est Traquenard. Tartare, effectivement, j'ai confondu, c'est à Main-sur-Loire. Donc c'est à Tigy. Oui, d'accord. Okay. Et tu te souviens de cette Date on y a joué plusieurs fois, mais la première fois où on y a joué, il y avait eu un gros pataquès, parce que il faisait pas très beau, il est même très moche. Et la bâche qui devait protéger la scène a craqué et a inondé la scène, et le festival a failli être annulé le jour même, parce que il n'y a plus de possibilité de faire de concert. Ouais, oui, concert à l'extérieur, c'est pas. Ouais, concert à l'extérieur, voilà, gros orage, la bâche qui cède, la scène inondée. Donc on a réussi à ramener tout le matériel dans une petite tente qui était en fixe sur la base de loisirs, et on a réussi à sauver un petit peu le concert, à faire le concert en version un peu plus petite que prévu, mais voilà, à l'abri, sous la tente. Mm-hmm. Ça s'est fait quand même. Vous ne dégonflez pas pour autant. Hein. Dès qu'il y a un truc comme ça, on était là. Donc, ça aurait été dommage. Tous les groupes étaient là. Il y avait possibilité de le faire. Donc, il suffisait que tout le monde soit partant et ça pouvait se faire. Quoi. Mm-hmm. Et moi, j'avais été, mais c'était pas cette fois-ci. C'était la fois où vous avez joué dans la grande salle, là, dans le gymnase. Hein, foyer rural. Mais c'est un foyer, ça sert de tout. J'habite à Tilly en fait, et mes enfants ont été à l'école à Tilly, et le foyer ça sert un peu de tout. Non, c'est ce qui sert de gymnase, ça sert aussi de salle de fête. En même temps, relativement, pour une salle comme ça, quoi, un gymnase, souvent ça résonne dans tous les sens. Disons, moi j'ai été à des concerts, pour une salle de fête, c'est bien, pour un gymnase, c'est pas terrible, c'est un peu le problème. Mais bon, là on parle de plus de concerts, donc Et à ce moment-là, il y avait un groupe de jeunes enfants qui avaient repris un de vos morceaux. Tu te souviens de ça? Oui, mais c'est normal que je m'en souvienne. En fait, dans ce groupe, il y avait deux de mes enfants. Oui. Donc voilà, ça facilite aussi. Et ils avaient repris. Enfin, ils avaient fait. En fait, ils ont monté un groupe au collège. Ouais. Et ils ont fait pas mal de reprises. Et quand on a su, faut que j'arrête de taper avec ça. Quand on a su que Burning allait jouer à Tilly, j'aurais dit, les gars, si vous voulez faire un morceau, enfin si vous voulez faire une reprise, vous pourriez venir jouer avec nous. Donc ils ne sont pas dégonflés, ils ont fait une reprise. Et puis au moment du concert, ils ne sont pas dégonflés non plus, ils sont montés, ils ont pris l'instru et ils ont joué avec nous. Ils ont fait le morceau sur scène pendant le concert. Ouais, moi j'ai trouvé ça super. En tout cas, ça a été vachement bien perçu par le public, parce que franchement, tout le monde les a encouragés. Et puis c'était des enfants du pays. Et, voilà, c'était des enfants de Tigi, donc il y avait leurs parents qui étaient là, tous les amis qui étaient là. Et là, c'était un bon moment d'émotion quand même, faut le dire, quand c'est comme ça. Bon, moi, j'ai ressenti comme ça, c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, tu vois, ça fait déjà plusieurs années. Et il y avait aussi d'autres trucs que j'avais vus, c'était à un moment, il y avait aussi ça c'est un petit peu dans l'habitude des Burningheads, il y a des gens qui montent sur scène et qui se jettent dans la foule. Mm-hmm. Donc, il y en a de moins en moins quand même, mais ça existe toujours. ça existe. Et là, justement, il y avait des gens qui ont voulu le faire, et là, il y a eu le service d'ordre qui les a retenus en disant non et tout ça, et vous aviez arrêté de jouer. Il dit non, nous on assure nous-mêmes notre sécurité, il n'y a pas de problème, ces gens-là vous les laissez monter et vous leur avez permis de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Faut rester tolérant dans les deux sens, quoi. Il faut pas foutre le bazar. Faut comprendre qu'il y a du service d'ordre et que les gars sont là pour faire ce qu'on leur a demandé de faire. Mais des fois, ils font un peu de zèle et ils vont un peu trop loin. Quand il y a juste des gens qui s'amusent et qui dansent, on va pas les arrêter pour autant. Ouais. Et des fois, faut essayer de remettre les choses à plat un petit peu. Et puis continuer à passer du bon temps sans qu'il y ait des interdits qui tombent, quoi. Voilà. Il y a deux ans, c'était Merzine qui jouait, ils ont fait monter tout le public sur la scène à la fin. Je pense que les services d'ordre, ils n'ont pas dû trop aimer. Au niveau sécurité, c'était pas terrible. Il y avait vraiment beaucoup de monde, il y a eu des problèmes comme ça. Il y avait un groupe dans le sud de la France qui s'appelait Cargols. Qui avait fait monter comme ça. Enfin, il y avait des gens qui étaient montés sur scène et la scène avait craqué. Et il y a une personne qui est morte. Ça a posé de gros problèmes. Enfin, les Cargols sont arrêtés. Il y a le chanteur a été pris comme responsable de la mort de la personne. Et du coup, il y a eu des procès. Il y a eu Il faut rigoler, il faut s'éclater, mais en faisant attention quand même et en respectant surtout les autres. Ça c'est important aussi, parce que on sait que des fois dans certains concerts ou dans certains bals, hein, simplement, il n'y a pas besoin d'aller forcément à des concerts de rock ou de métal. Des fois, il y a aussi des gens qui abusent peut-être de certaines choses et qui font un peu n'importe quoi. Donc il faut surtout respecter les gens et on est là pour s'amuser, passer du bon temps, et c'est dommage qu'à partir d'un moment comme ça, un gros accident arrive et puis derrière il y a un tas de problèmes pour tout le monde, et c'est vraiment regrettable. Voilà, très bien, on écoute encore un petit morceau. Allez. Alors ce morceau là, je je le passe assez souvent parce que je l'aime bien, voilà. Après, je me souviens plus de l'album ni quoi que ce soit. On l'écoute tout de suite et puis on en parlera tout à l'heure si tu veux. Ok. Ok, on fait comme ça. Get so fast in the race for life. Voilà, donc j'ai voulu passer ce morceau-là et puis j'en ai envoyé un autre juste avant, qui est mal renommé en plus, parce que on avait déjà remarqué ça une fois, j'ai voulu l'envoyer. C'est donc le titre A Whole Life des Burning Head. Et une fois déjà, on l'avait envoyé, on s'était retrouvé avec l'autre. Alors l'autre, tu le reconnais peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est Tears and Bloods. Ouais. Qui est sur. Qui bien aussi, hein. Il est sur le dernier album en date, qui est Choose the Trap. Ouais. Mais là, je sais pas pourquoi, dans mon fichier, il s'était un peu mélangé. D'accord, c'est pour ça que j'ai envoyé le bon après. Parce que c'est une chanson qu'on aime bien et qu'on écoute assez régulièrement dans l'émission. Pop Appeal aussi, j'aime. Pop Appeal. Ah bah tiens, on se le calera aussi tout à l'heure. Ça, c'est un des grands succès aussi de l'album précédent. Ouais. Voilà. Et puis, on a oublié de le citer, mais en début d'émission, depuis des années déjà, on passe quand même Midnight Dub, le morceau sur lequel j'ai l'habitude de parler. Donc, ouais. Tu vois, l'habitude, je le connais par cœur. On a proposé ce morceau à plusieurs chanteurs pour faire différentes versions de chants sur ce morceau, vu que c'est un morceau instrumental. On a trois chanteurs qui ont posé leur façon de chanter dessus. Donc il y a deux gars et une fille. Et on espère pouvoir sortir un maxi avec ça bientôt. Très bien, on attend. Parce que quand tu dis maxi, ce sera en vinyle. Ouais, après, on essaie de sortir la version vinyle et CD de tout ce qu'on fait. Ouais. On n'arrive pas. Pas tout le temps, mais bon. Le vinyle, c'est quelque chose auquel tu es attaché, non? Pas spécialement. C'est l'objet, quoi. Ouais, c'est l'objet. Non, moi, je fonctionne beaucoup avec mon téléphone. Oui, aujourd'hui, oui, c'est très facile. Voilà, j'ai beaucoup de musique sur mon téléphone. Ça, effectivement, c'est très facile. Il y en a qui préfèrent acheter des disques et écouter un vinyle plutôt qu'un CD. C'est une manière différente d'écouter. Moi, je préfère écouter de la musique partout et l'avoir sur mon téléphone et écouter des fois même rien que juste comme ça sur mon téléphone, ça me suffit, même s'il n'y a pas vraiment pas tout le son. Ouais, il n'y a pas tout le son, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est mieux que rien. Ouais, mais bon, après, quand t'es sur scène, là, t'as le son complet. Là, c'est le son professionnel avec des gros haut-parleurs comme ça. Donc, voilà, de temps en temps, au téléphone, ça me donne un aperçu. Mmh. Et après, c'est pareil, on peut aussi vouloir se poser, de temps en temps, écouter un bon son. Voilà. Il y a plusieurs manières d'écouter aujourd'hui, et puis grâce au numérique, on a aussi la possibilité d'avoir les morceaux très facilement, de passer d'un à l'autre très rapidement. Je me suis refait toute ma discothèque vinyle, je me suis refait en numérique, bon, même plus, parce que j'ai réussi à trouver d'autres trucs. Ouais. C'est dingue ce que tu arrives à trouver avec Internet. Ah ouais. Putain, si on a eu ça, nous, quand on était ado, la vache. Ah ouais. Nous, les disques, on les a usés sur nos platines, on a usé les diamants. Ils auraient fait faillite. Hein. Enfin, bon voilà, c'est des bons outils, il faut savoir les utiliser. Et de temps en temps, écouter un bon vinyle aussi, ça fait du bien sur une bonne platine. Se regarder tourner comme ça, c'est une chose dont on ne se lâche jamais. Puis il y a le grand retour des cassettes, hein, je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, il y a plein de gens. Joël qui vient de sortir une cassette. Oui, une cassette. Avec Nid, je crois. Ouais, ouais, tout à fait, j'ai vu ça la cassette en plus, colorée, ouais, toute. Voilà. Autant les vinyles, je comprends, autant les cassettes, je les regrette pas trop, moi. Non, j'y regrette pas beaucoup non plus. Moi, j'en ai un paquet, mais. Il y avait un groupe, tu sais, que j'avais eu. Les bandes, elles se bouffent, ça devient horrible. Le son devient, il y a de plus en plus de soufre, ça s'efface, il faut savoir aussi. Donc voilà, ça vieillit mal. Autant le vinyle, je suis d'accord. La cassette. Si on en prend soin, on peut le garder trop longtemps, très longtemps. C'est vrai que les bandes, au bout d'un moment, ça perd avec la chaleur, avec la poussière, avec la sécheresse de l'air, tout ça. Donc, forcément. Mais bon, pourquoi pas. Comme tu disais tout à l'heure, c'est bien de l'avoir numérisé comme ça. Tu peux avoir le vinyle, tu peux avoir le machin, mais il te reste toujours quelque chose. Donc, voilà. Le vinyle, c'est collector. Tu l'écoutes pas, tu le gardes juste pour. Je sais que. J'aimais ça. Hier, je suis reparti avec le vinyle. Pour que ça prenne de la place. T'écoutes juste une fois et après. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu dis, j'écoute un vinyle, ça veut dire, je vais prendre le temps de l'écouter. Je vais m'installer, je vais mettre ça sur des bonnes enceintes. Petit verre, tranquille. Voilà, je vais savourer parce que je sais que. Tu retires les chaussettes. et là, tout le monde s'en va. Reste aussi, si tu veux. Hein, mais bon. Ouais, après, chacun fait ce qu'il veut chez eux. Voilà. Dans le studio, non. Non, Didier. Trop tard. Donc, on va te donner la parole, Didier, puisque tu vas nous présenter l'agenda de Mavrika aussi. On va essayer. Ouais, parce qu'il y a, quelque chose, quelques avec un S, chose. Il y a quelque chose, ouais. Quelque chose. Déjà, c'est les derniers instants pour profiter du jazz au moulin. Donc ce soir, il y avait Flows et puis Red Report. Donc Jazz au Moulin, c'est au moulin de la vapeur, donc à Olivet, la maison de la culture. Et puis demain, dernière ligne droite avec Hugues Vincent et Ya Quartet. Voilà. Il y a quartet. D'accord. Ça c'est pour demain. Ce soir, qu'est-ce qu'on avait? On avait Féminin Pluriel aux petits instants à Main-sur-Loire. Donc ça, c'était de la chanson française néo-réaliste. Hein. On avait Bolbert avec au live à la demeure au Novotel Orléans. Donc ça, c'était des chants d'Amérique latine. Harrison Swing part en live au festival Échappez-vous à l'espace Bérère à La Chapelle. Donc ça, c'est un cocktail aux saveurs manouches. Palinka, j'ai vu que tu avais partagé l'affiche. Donc, Swing de l'Est, les copains d'abord. Donc, ouais, super copains super d'abord. Affiche. Mm-hmm. Je sais pourquoi tu l'as partagé. Ouais, bah oui. Voilà. Et puis, Eric Terre en même temps, je partage pratiquement tous les événements. Oui, mais celle-là, tu l'as bien partagé quand même. Voilà. Et Eric Terre à Le Martin Pêcheur. Donc, ça, c'est à Nargy, à côté de Montargis. Voilà. Ok. C'est tout pour ce soir. Enfin, je pense que c'est tout. Hein. Tu sais, j'ai pas la prétention de dire que je vais dire tout ce qui se passe sur Orléans et les environs. Mais enfin, on cherche. Si j'en oublie, excusez-moi. Enfin, moi, c'est des fois, volontaire ou pas. Je discute assez régulièrement avec des personnes qui me disent, sur Orléans, il y a rien. Je dis, mais attendez, il faut écouter l'agenda de Mavrika parce que nous, on vous en sort des trucs. Hein. Si vous voulez vraiment tout, si vous voulez faire toutes les dates, il y a de quoi. Sur Orléans, finalement, ça bouge. Mais après, il faut y aller aussi. Concert, parce que c'est bien de les annoncer, mais il y a malheureusement il y a parfois des endroits où les gens mériteraient d'être un peu plus nombreux, quoi. C'est ça. Demain on va attaquer avec le Locomotive Festival, donc ça se passe à Vendôme, dans le 41. La tête d'affiche chez les Vents Passent, et puis ça va commencer le 19, ça va se terminer le 26. Pour avoir le détail, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, pour avoir le détail de la programmation, il faut aller sur le www.rocomotive.com. Voilà. Il y a Asian Dub Foundation qui passe, ça doit être le vendredi, je crois. Je l'avais noté. Exactement. Mais je suis pas là. Voilà, on est en concert. Un podcast. Ah ouais. Ils m'ont dit qu'ils vont faire un podcast. Ils vont faire le podcast. Là, ouais. Pendant que j'y pense, on va l'annoncer. Le podcast, il y a notre ami Florent qui enregistre ce soir et on l'aura dans la nuit. Hein, D'habitude, on l'a juste après l'émission. Il bosse très très bien. Ouais. Voilà, on va le remercier encore une fois. On le remercie. Voilà. Ouais. Alors là, aujourd'hui, il est passé au grade de chef parce qu'il m'a dit j'enregistre. Tu peux dire si tu veux que le podcast sera disponible dans la nuit, donc le podcast de cette émission. Donc les gens qui ont loupé, qui vont rentrer peut-être à minuit. Moi, j'en connais qui attendent jusqu'à 2h du matin pour avoir le podcast. Hein. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Alors, moi, je lui ai répondu OK, chef. Ah, voilà. Bien. Chef Florent. Chef Florent. Voilà. Il donnait un grade. On l'embrasse très fort. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'il suit toutes les émissions et qu'il les enregistre en plus. Voilà. Alors, on va continuer toujours pour demain. Donc là, faut pas que j'oublie de le dire parce que je les ai quand même vus trois fois dans la semaine pour que je parle de ça. Il y a un concert au Blue Device. Donc, ce sera la dernière date du Free Cannes Tour. C'est à 19h. C'est un pack de 8 euros. Il y aura Monolith, Nemost, Serienus et Pleasure to Kill. Ok. Il y aura le festival du son des blés, donc ça c'est à Boulay. À Boulay les Bars. Ouais. Donc le côté de Brissy. Ouais, tout à fait. Je prends le papier. C'est ça. Donc il y aura Skawax. Skawax. Voilà, sans rien dire. Et Turn Off. Voilà, j'étais en train de chercher le dernier. Merci mon compère. Voilà, ouais, et SRV. Tu connais son petit aussi, le track bar. Ouais. Voilà. Sting sera au Zénith. Voilà. D'accord. Faut le signaler, il est là. Ah, il est là. Donc ouais. Ah ouais, il me l'a pas dit. C'est un petit peu embêtant ça. Il te l'a pas dit? Il a connu tout. Moi demain j'ai son déplay. Ah oui. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, toi aussi. Bah oui. Très bien. Bon, on se retrouvera là-bas alors. Ouais, tout à fait. Bagadon sera au Colvert à Bozy, donc ça pour du bon vieux hard rock des familles. Ouais. Sainte Amnesia au Club 15, donc ça c'est de l'électropop, c'est un groupe d'Orléans, tu vois, qu'on connaît pas. Voilà, il y a encore il y en a énormément. Hein. Ouais. Nous, on découvre des groupes toutes les semaines et puis on s'en aperçoit qu'il y en a encore des nouveaux projets. Bon, entre temps, il y en a aussi qui splatchent, hein, qui disparaissent. Ouais, j'avais envie de le dire, cela. Ça se dit plus depuis les années 80, mais moi, je suis un petit peu resté au vinyle, les cassettes. Splatch. Rock à la Baleine également, donc ça c'est à la Baleine, c'est à Châteauneuf-sur-Loire, donc c'est un café culturel. Il y aura First Draft et Mathem on Tricks à partir de 20h30. Mm-hmm. Ça c'est du rock. Hein. On aura également Angry Sometimes, c'est un groupe de Montpellier, plus les Bad Chips, donc ça c'est un groupe d'Orléans, ça se passe au 108, je pense que tu es au courant. Ouais, Angry Sometimes c'était un titre de Burning. D'accord. Donc c'est en honneur à Burning, c'est un clin d'œil. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Donc c'est demain, sous le 108 et c'est à 20h30. Eh ben, n'hésitez pas à y aller. Fusion Estivale, donc ça c'est la mamie qui fera son Extended 7 et puis Tarmac 3000 plus Spitzer. C'est de la Tech House et ce sera à l'Astrolabe pour un tarif de 10 à 15 euros à partir de 23h. C'est après le concert. C'est une after. Et puis il y aura les trois quarts, ça va se passer à l'Absinthe à Olivet. Donc sur l'affiche, s'il y en a qui ont regardé l'affiche, il y a marqué Franck et Damien du groupe Samsoul. On va rectifier tout ça, c'est Francky, donc c'est bien le guitariste de Samsoul. D'accord. Et c'est Jérôme, le bassiste. Ah ouais, et Jérôme. Pas Damien. Ouais. Ouais, il y avait une heure. Bah ouais, enfin moi je pense, après, quand on regarde les photos, c'est pas Damien, c'est Jérôme. Alors maintenant, peut-être qu'il a un jumeau. D'accord, ça me rappelle aussi un truc avec notre ami Alexis de Pachin qui est passé à la télévision. Et à un moment, ils l'ont dit, c'était pas Alexis, il avait changé de prénom. Et après, par contre, il intervenait donc aussi au micro. Et là, par contre, il était redevenu Alexis, mais Sanchez cette fois-ci. Ou Gonzalez ou un truc comme ça. Je dis, mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Alexis Sanchez, c'est un joueur de foot. Ouais, mais ils se sont complètement plantés, quoi. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Écoute, ce sera tout pour le samedi. Ah, c'est voilà. Déjà pas mal. Ce que j'ai noté moi, de mon côté. Dimanche 20 octobre, on aura Stéphane Acoustique et Antoine Ménager. Donc Stéphane Acoustique, c'est le projet de Stéphane des Elonor. Ouais. Voilà, en acoustique. Mmh. Et on Antoine Ménager. Il y a quelques semaines. Hein. Antoine Ménager qui fait de la chanson française, qu'on aura le plaisir de recevoir début d'année. Ouais, l'an 2020. Le 27 janvier. Exactement. 2020, ouais, le 27 janvier, tu l'as noté, c'est très bien. Voilà, et ce sera aux petits instants, donc à Main-sur-Loire, et c'est à 15h. D'accord. Mmh. On aura Ancha et Marie d'Astérisk. Ouais. La Java Pop à partir de 21h. Oui, je crois. Ouais. Et je crois que nous, on va y aller un petit peu plus tôt pour essayer de capter un petit peu quelque chose là-bas. Ouais, on va faire des petits enregistrements qu'on diffusera dans les émissions prochaines. Donc, on va discuter avec eux. Voilà. J'ai noté aussi également que dimanche, c'était la journée mondiale du missionnaire. D'accord. Pas la position, Olivier, je te rassure. On est d'accord. Hein, que c'est... Voilà. Bon, après, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, mais bon, ça après. Il ne faut pas attendre forcément les dates anniversaires ou les fêtes, tout ça, pour faire certaines choses. Donc, profitez-en. Lundi 21, tiens, dis-nous, on va parler d'un lundi pour une fois. Un lundi. Ouais, c'est des choses à lundi. Bestias, regarde. Ouais, y a... c'est la 5e édition des Ramis. Donc, les Ramis, c'est les rencontres artistiques de musique improvisée. En gros, c'est du jazz, quoi. Mais voilà. C'est fruit du partenariat entre le Nuage en Pantalon. Donc ça, c'est une asso de création artistique qui est porteuse de projets de développement artistique. Et puis la scène nationale d'Orléans. Donc ça va commencer le 21, ça va s'arrêter le 27 octobre. En gros, ça dure toute la semaine. Il y aura 24 spectacles, 8 lieux différents. Alors rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous détailler tout ce qui va se passer un par un, mais je vais juste vous filer l'adresse du site pour aller voir par vous-même le détail de la prog. Donc il suffit tout simplement de se rendre sur le https://lenuageenpantalontoutsaattaché.org. Voilà, et puis là vous allez avoir tout le programme. Il y a plein de choses pour ceux que la musique improvisée intéresse. Très bien. Voilà. Ouais, on va faire un groupe, toi je et moi. Je suis spécialiste de la musique improvisée. Musique improvisée. Si moi, tu me donnes une guitare, toi, je vais t'improviser un truc. Ouais, et en plus, tu as dit que c'est du jazz, mais moi, j'ai essayé, j'ai improvisé. C'était pas du jazz. Non, mais bon, c'est... on a essayé, hein, voilà. Mardi. L'album sort bientôt. Mardi, bah oui, aussi un truc mardi soir, disons. Ça va se passer au Blue Device, et puis ce sera un groupe anglais qui vient, c'est Suicide Generation. Ouais. In English. D'accord. Alors, c'est de l'explosive rock'n'roll dégénérate. Oui, oui, déjà avec le, voilà, le nom du groupe. Une nouvelle étiquette, celle-là, il faut la garder. Mmh. Explosive rock'n'roll dégénérate. Je suis sûr que c'est le meilleur groupe du monde de ce style-là. Ah bah oui, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ouais, j'ai écouté, il n'y a pas mieux. Très bien. Mercredi 23. Ah bah non, il n'y a rien. Voilà. Si, nous on joue à Lyon. Ah bah ouais, voilà. Donc, c'est le début de la tournée. Donc on va aller à Lyon. Une chose tous les ans. Ceux qui veulent aller à Lyon, voir les Burning. Ouais. D'ailleurs, on a un Lyonnais qui nous écoute. Enfin, au moins un Lyonnais qui nous écoute ce soir. D'accord. Très bien. Alors, on fait un petit coucou à tous les Lyonnais et à tous les gens de partout qui nous écoutent. Hein. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que des gens nous écoutent en dehors de la FM, parce que la FM est sur Orléans. Et donc, grâce à Internet, radio-arc-en-ciel.fr, vous pouvez nous écouter partout dans le monde. Partout, même dans l'Antarctique. Exact. D'ailleurs, j'ai regardé sur le blog, tu sais, il y a les endroits où les gens ils viennent, où ils visitent les pages. Ouais. Il y a des lieux improbables. Des mecs, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous chercher dans le blog, dans Kinshasa ou un truc comme ça. Tu te dis, Toctoboul. Ouais, non, mais bon. Enfin, bref. Bah, très bien. Tant mieux. On leur fait un petit coucou à ces gens-là. Ça nous fait vraiment plaisir qu'ils aient eu la curiosité de. Ouais, de mais c'est marrant parce que tu te dis, pourquoi? Ouais. Mais nous aussi, ça nous arrive des fois par hasard de découvrir des choses et puis après d'y retourner parce que ça nous plaît. Voilà. Ouais, par hasard. Ouais. Jeudi 24 octobre, les Caméléons seront au VNB Ingré. On aura Roland Bernard et le Youkouloops Band. Au Delirium Café, alors ça c'est un one man band ukulélé, c'est un tourangeau à 21h, donc à mon avis c'est, il a mis un looper sur son ukulélé, ça doit être quelque chose à voir quand même. Ouais. Ça doit être un mec un peu barré, ça doit être sympa, ouais. Voilà. Mm-hmm. Il y aura le festival des campagnes également, donc c'est pour ça, là j'ai mon affiche là. Le 24, 25 et 26 octobre, ça va se passer à Saint-Laurent-de-Mouan. Donc il y aura les Highton, Puppet Mastaz, Scaramucci, Cadillac, Sidi Wacho, la Caravan Pass, Guerilla Poubelle, The Draft, John Skibit, Charlie Fiasco, Forest Pookie, Nina Skoll, First Drive, cool. Et La Pitié Batouk. Voilà. J'ai pas vu passer ça, dis donc. T'as pas vu passer ça, bah tiens. Ah, merci. Merci, Rebecca. Voilà, bah on est là pour okay, ça. Hein. C'est cool. J'en étais ouf. Voilà, le festival des campagnes. Ensuite, ça commence donc le jeudi, donc ouverture. Donc je vais vous donner le détail. Ouverture des hostilités avec Guérilla Poubelle, Charlie Fiasco et Nina Skoll et Forest Pookie. C'est un prix libre, mais en pré-vente, c'est 10 à 12 euros sur place. Mmh. Voilà, mais enfin, vous donnez ce que vous voulez en pré-vente. Ouais, donner ce que vous voulez, ça veut pas dire que c'est gratuit. Hein. On donne quand même. Il faut donner, voilà. On estime, on se dit, voilà, on a passé un bon moment, ça vaut le coup, il faut récompenser aussi les gens qui se donnent du mal. Vendredi 25, donc la semaine prochaine, voilà, on aura Missing qui sera au VNB Chessy. D'accord. Madlis qui sera à la Villa Privée. Donc ça c'est à Saint-Privé. Celtic Rec, un concert bal à Jargeau à la salle polyvalente à partir de 20h30. On aura Replay It Live, donc à la salle des fêtes Alain Cormeau, à Main sur Loire. Je veux aussi que tu avais partagé le truc. Ouais. L'entrée est à 10 euros, c'est des jeux interactifs comme base la musique. Donc il y aura un blind test, il y aura les jeux de parole, il y aura un quiz. Mm-hmm. Ce sera animé par Alexis Ramos et avec des musiciens qu'on connaît. On les connaît tous. D'accord. Voilà. En même temps, on en connaît beaucoup. On en connaît pas mal, mais Régis Savigny. Oui, bah oui. Jérôme Damien. Ok, aussi, ouais. Voilà. Grégory Barton. Très bien. Voilà. Et Pierre-Erwan Grenet. Oui, c'est le top, quoi. C'est des bons musiciens, en tout cas. Voilà. Très, très bien reconnus dans la région. Voilà. Donc, Replay It Live, donc salle des fêtes Alain Cormeau à Main-sur-Loire, donc pour 10 euros. Donc, je pense qu'il y a de quoi passer une bonne soirée, je pense. Jazzy IT au Club 15. Donc Jazzy IT, le principe c'est des standards des années 80 repris façon jazz. Ça peut être sympa, partenaire particulier, tout ça. Ouais, en jazz. Jazz, ouais, c'est, pourquoi ouais, pas. Pourquoi pas, ouais. C'est marrant de voir des fois des versions complètement différentes. Les démons de minuit, tout. Ouais. Ouais. Ouais, donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Émilie Edou Trio, ce sera les copains d'abord. Donc ça, c'est, par contre, ça c'est du jazz. Et puis, bah, Festival des Campagnes, deuxième soir, donc le vendredi soir, à 19h15, The Draft, 20h, Junkies Beat, 20h50, C4DI 114C. Cadillac. À Cadillac aussi, oui, pas exact, quand tu viens comme ça, oui. Bon, bah, à partir d'aujourd'hui, Jean-Benoît va venir. Oui, il va m'emmêler. Et c'est quoi donc Cadillac? C'est un DJ? Non, je crois que c'est un groupe. J'ai vu passer ça, mais je l'avoue, je suis Cadillac, pas allé. Cadillac, j'ai, mais... j'ai pas fouillé. Il faut quand même. Ouais. Bah, c'est des nouveaux trucs, ça. C'est... Ouais. Puppet Mastaz et Hightone pour finir la soirée. Donc c'est 20€ en pré-vente, hors frais de location. La semaine prochaine, on détaillera la dernière soirée du Festival des Campagnes. Le samedi soir, il y aura First Draft, la Caravan Pass, la Petite Batuque, Sidi Wacho et Scaramucci. Mais avant de raccrocher les gants, je voudrais faire un petit point sur les tarifs de ce festival quand même. Donc le jeudi soir, je rappelle, c'est un prix libre en pré-vente et sur place, c'est 10€. Vendredi soir, en pré-vente, c'est 20€. Hors frais de location, sur place, ce sera 23€. Samedi soir, en pré-vente, ce sera 17€. Hors frais de location et sur place, ce sera 20€. Et il existe un pass pour 2 jours, donc je suppose que c'est pour le vendredi et le samedi. En pré-vente à 34€ et hors frais de location toujours. Et sur place, ce sera 39€. Voilà, donc faut surtout pas rater le prochain épisode de Mavrica, évidemment. Hein. Ah bah ça, hein, c'est... on peut pas. Et, peut comme pas. D'habitude, hein, we'll be back next Friday. Yes. Bien. Voilà. Épisode Mavrica Show on Radio Arc-en-Ciel. Cadillac, exact. Ah oui, Stupéclip. Ça me disait quelque chose aussi. Voilà. Donc le Mavrica Show la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est le 18 octobre. Ouais, et qui c'est qu'on reçoit la semaine prochaine? Bonne question. Odéon. Odéon, ah oui. Odéon. Donc là, aujourd'hui, on est le 18 octobre. Oui. Et il y a des choses qu'on ne peut pas taire, qu'on ne peut pas passer sous silence. Mmh. Non. Alors il faut quelqu'un pour les dénoncer, je serai cet homme. Je serai. D'accord, donc demain c'est le. Non, chez les Thibault, l'héroïsme c'est de père en fils. D'accord. Comme ça. Mmh. Alors comme je disais, on est le 18 octobre. Et le 18 octobre c'est. C'est la veille du 19. La veille de la journée du missionnaire. C'est l'anniversaire de Jean-Claude Van Damme. Ah bah oui. Tu sais le philosophe belge. Ouais. Voilà. Faut que je envoie un petit 59 ans aujourd'hui. Je le fais ça en direct. Alors voilà. Moi je me suis dit 59 ans, je me suis dit il faut quand même lui rendre hommage, hein, Jean-Claude Van Damme. Alors j'ai dit pour lui rendre hommage, je vais essayer de refaire ici là dans le studio avec sur 2 chaises, tu sais son fameux grand écart. Oh, le grand écart, yes. D'accord. Prépare les chaises là donc. Voilà, donc je me suis entraîné quand même parce que ça se fait pas comme ça à froid, donc tu as un pantalon assez souple quand même. Non, c'est bon. J'en ai pété des pantalons, je te le dis. Oui, j'imagine. Puis au bout de 3 essais infructueux à la maison. Toi aussi tu casses tes noisettes entre tes. C'est ça, j'ai décidé, je change mon fusil d'épaule. Ça va pas. 18 octobre. C'est aussi l'anniversaire de Catherine Ringer, 62 Valais. Ouais. C'est l'anniversaire qu'aurait eu Jacques Higelin, il aurait eu 79 ans. Mm-hmm. Et Chuck Berry, lui, il aurait eu 93 ans. Donc, ouais. S'il n'était pas mort. Ouais, bah. Du coup, exit Jean-Claude Van Damme, et je me dis, j'allais donc rendre hommage à celui grâce à qui tout a commencé. Tu fais pas le grand écart, donc. Non. Non, bon, non. Bah. Non. Non, on fera ça après l'émission. Lors de la séance photo. Ouais, c'est ça. On fait ça. On va faire ça. Je vois que tu fais des belles photos et bon, ah ouais, je pense qu'on peut le faire. Il y a quand même un montage après, formidable qui a après été fait. Le cacher derrière le poteau. On a réussi à tous se cacher derrière un poteau. Voilà. Alors ça, c'est pour faire la publicité pour le régime qu'on a fait. Hein. Voilà. On a fait un régime qui marche très bien. Voilà. Donc on n'a rien mangé pendant une semaine. C'est comme on aime. On a réussi à se cacher derrière le régime comme on aime. Comme on aime. Voilà, donc. Voilà. Et j'ai d'autres idées pour ce soir. D'accord. Ok. Donc je disais, je vais quand même rendre hommage à celui par qui tout a commencé quand même. C'est ouais. Grâce à qui pas mal de chanteurs ou de groupes ont peut-être pris une guitare, etc. Donc c'est monsieur Chuck Berry. Chuck Berry. Voilà, qui est décédé le 18 mars 2017 et qui nous a laissé quand même un bien bel héritage. Alors on va s'écouter une chanson de 1956. Ça ne nous rajeunit pas. Oui, non. Enfin, surtout toi. Mais, ouais, surtout moi. Moi j'étais déjà vieux moi à l'époque. Alors la chanson ça s'appelle You Can't Catch Me. You Can't Catch Me. You Can't Catch Me. Allez, on pousse un peu les meubles, c'est parti, rock'n'roll, et puis on n'oublie pas, we are old, we are young, we are Mavrica. Ben voilà. Okay. up with me, then come waving goodbye at a little old souped-up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll, moaning, siren, towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I become airborne. Now you can't get me, baby, you can't get me. Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night, wasn't a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Radio tuned to rock and roll. 2-3 hours past the fire. Altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me. No, baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you're gone like a coup. D'écouter un petit Chuck Berry comme ça. Ouais, voilà, c'était retourne. Les punks des années 50. Hein. Ouais, bah c'est vrai que en tout cas ça continue de marquer un petit peu. Ça a marqué toute une génération, mais bon, j'espère que les gens prennent toujours autant de plaisir à l'écouter ce morceau donc de Chuck Berry. Voilà. Autre chose à rajouter, non? Donc c'était l'agenda de Mavrika. Je vais aller chercher deux chaises et puis je vais continuer de m'entraîner. Ouais, tu vas continuer de t'entraîner, ok. On pourrait aussi parler de quelque chose, c'est que il y a Monsieur Olivier Dominguez qui a sorti un livre de recettes de cuisine. Un livre? Ouais, des recettes de cuisine. Voilà, alors il n'a pas de micro. Donc, non, c'est qu'il n'a pas de casque. Donc, tiens, il n'a pas de casque, il n'a pas de micro non plus. Donc, on va lui donner un petit peu la parole quand même. Voilà, parce que... Ah non, ça va pas. Ah ouais. Il faut pas mettre les micros près des casques. Mets-les voilà. Voilà, sur tes oreilles, puis ça va y aller. Voilà. Donc, Olivier Dominguez, qui est venu nous rendre une petite visite ce soir. Qui Bonsoir tout le monde. Qui est resté discret pendant jusqu'à présent. Bah oui, il suffit de pas lui donner le micro. Puis ouais, c'est voilà. Parce que sinon, je pense qu'il serait déjà intervenu. Ouais, mais pas trop, parce que j'ai un peu mal à la gorge, donc je voudrais pas trop parler. Donc, justement, on voulait parler aussi d'un événement qu'il y a eu ces derniers jours, puisqu'il y a eu la sortie d'un album. Alors, c'est pas de la musique, c'est un livre. Ouais, ça s'appelle un livre en littérature. Ah ouais? Oui, c'est ça. D'accord, avec c'est un livre. C'est ça, donc un livre. C'est le nom. Parce que les gens en parlent aujourd'hui avec. Un livre. Attends, il y a 5 pages. Non, ça s'appelle une brochure. Mais. Il y a combien de pages? Il y a 116 pages. 116 quand même. Ah ouais, quand même. Alors, sans images. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Il y a 20 nouvelles. 20 nouvelles. 20 histoires un peu cynique, un peu poétique, un peu marrante, un peu dramatique, un peu tout quoi. D'accord. Voilà. Et ce livre, on peut le trouver où? Eh ben, il faut me contacter moi. Te contacter, ouais, toi. Parce que c'est de l'auto-édition. D'accord, donc c'est toi-même qui l'a fait. Qui... Oui, de A à Z, les photos, les photos de couverture. Ouais, il n'y a pas d'image, il a mis moi. Non, mais les photos de couverture, c'est moi, j'ai fait le texte, et voilà, j'ai tout géré tout de A à Z. Scène, façon Gutenberg, caractère voilà, par caractère. Exactement, et c'est ça en plus. Ouais. Hein. Ouais. C'est pour ça que ça a mis autant de temps. Et en plus, ce soir, tu es venu m'amener. Oui, il est dans le couloir. J'ai oublié de le prendre avec moi. Mon livre à moi que j'ai commandé, donc voilà. J'ai fait ma commande et il est là. Je l'ai fait samedi dernier. Donc là, ce soir, tu fais la livraison. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis aussi coursier. Je fais aussi des kebabs le samedi entre 2h et 3h du mat. C'est notre Uber à nous. Voilà, c'est okay. Ça. Et comment s'appelle Uber ce livre? Il y a un titre. Ça s'appelle Errance. Errance. Voilà, okay. C'est un recueil de 20 nouvelles. De 20 instants décalés. Non, c'est pas tout à fait des instants décalés, c'est des histoires un peu qui ont une grande part d'imagination, qu'aussi une petite part de vécu, il y a un petit peu de tout, quoi. Là, ça part d'un quelque chose de personnel, et puis après, ça part en live. Dans tous les sens. Voilà, c'est ça. D'accord, bah, très bien. Moi, je vais le découvrir parce que ce soir, donc, j'aurai mon édition et je vais pouvoir le lire et en parler peut-être dans les prochaines émissions. Toi, tu l'as déjà lu, Didier ? J'ai lu la première nouvelle. La première page ? La couverture. J'ai eu du mal, j'ai eu 3 heures. J'ai lu la première nouvelle et je conseille à tout le monde de sortir un petit billet et puis d'aller chercher. Bon, je dis pas ça parce que c'est pas Mal, c'est gentil, Didier. T'auras un bisou tout à l'heure. C'est bien écrit. Mmh. Non, mais on connaît le. C'est bien écrit. On sent que ça a été corrigé par quelqu'un d'autre. Il reste plus de l'orthographe. J'en ai pas vu pour l'instant, mais enfin, en même temps, j'ai lu 5 pages. Donc après. Non, puis c'est totalement différent des instants décalés. Donc si vous avez eu l'habitude de la prose d'Olivier dans les instants décalés, là c'est autre chose. La première est pas représentative de tout l'ensemble. D'accord. Y a 20 histoires et qui sont vraiment dans un registre assez différent. Y a des choses comme la première, c'est une nouvelle. Après, il y a des choses qui sont bien barrées, il y a des choses qui partent dans tous les sens. Il y en a d'autres qui sont très poétiques, d'autres dramatiques. Donc c'est la première nouvelle ne résume pas l'ensemble de l'ouvrage. Très bien, ça c'est du teasing. Voilà, donc c'était bien d'en parler dans l'émission Maverick. Ben, mais merci beaucoup Albino, j'étais pas venu pour ça, mais merci beaucoup. Voilà, et après il y a Marilyn qui nous a envoyé un petit message en disant voilà, moi j'aimerais bien me le procurer tout ça, donc le mieux c'est de te contacter. Mais je l'ai mis de côté pour toi Marilyn, t'inquiète pas, il faut qu'on se voit. Et elle m'a dit j'ai eu un sixième sens. Il est déjà dédicacé, donc là maintenant c'est trop tard. Non, pas encore, mais j'ai fait déjà un petit schéma de la dédicace, mais très bien, les bouquins sont. J'essaie dans la mesure du possible de faire une dédicace très personnelle à chaque lecteur qui va m'acheter. Donc tu t'es appliqué pour la mienne, j'espère. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai réfléchi pendant 3 jours, mais non, mais à chacun, j'essaye de mettre une petite dédicace bien personnelle qui puisse en plus faire plaisir. Voilà. Bah oui, comme ça on sera fiers de montrer. Voilà, moi j'ai un livre d'un auteur. Va savoir. Ouais. Va savoir, c'est le nouveau Yann Moix. Oui, voilà. Je parlais des écrivains d'Orléans. Ah oui, d'accord. D'accord. D'Orléans Sud alors. Voilà, très bien. Donc, c'est un livre qu'il faut se procurer. Donc, le mieux, c'est de te contacter directement sur Facebook. Voilà, c'est ça, par Facebook. Je pense que Facebook, ouais. Olivier Dominguez, donc c'est le monsieur qui a fait pendant il est au MOOC, pas mal d'émissions. Tous les mercredis soirs, vous pouvez le trouver au MOOC. Non, surtout pas. Très bien. Voilà, comme ça c'est dit, et puis on pourra le rappeler dans les prochaines émissions. On va revenir donc à notre invité. Tu connaissais les Burning Head, toi Olivier ? Oui, juste comme ça, sans plus. Là, t'as la chance d'être devant un des membres des Burning Head. Voilà, on désespère pas de les avoir tous au complet dans les prochaines émissions. Enfin, Jean-Benoît nous fait le plaisir d'être là. C'est la deuxième fois qu'il vient ici, et c'est toujours un plaisir. Et puis le temps passe très très vite. Merci beaucoup de nous inviter, en tout cas. Ah bah, c'est un plaisir pour nous. Hein. Voilà. Donc Jean-Benoît, on a parlé un petit peu des projets. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Donc des enregistrements, des concerts. Un nouveau chanteur aussi. Un nouveau chanteur. On n'en a pas parlé parce qu'on part en tournée là, mais on part en tournée avec un nouveau chanteur. Ouais. Et du coup, on sera 5 sur scène maintenant. C'est Fra qui vient de Caen, qui joue dans un groupe qui s'appelle Eternalius. D'ailleurs, il jouait ce soir à Caen. Si je peux me permettre, on dit vient d'où, mais on dit pas il vient de Caen. Hein. C'est ça. Où il vient de Caen. Eternalius. Eternalius. Et c'est lui qui va venir chanter avec nous. On a déjà fait quelques répètes et voilà, donc là pour l'instant on reste dans l'ancien répertoire, mais on va pas tarder à composer des nouveautés et on espère pouvoir faire des nouveaux morceaux l'année prochaine et enregistrer un album à part J'allais dire un vrai album, mais je pense que vous en avez fait déjà plusieurs des vrais albums. Par rapport à l'album qu'on sort au début de l'année, ou qui est un album de reprise, là on va sortir un album à nouveau avec nos morceaux. Je pense qu'on composera l'année prochaine et qui sortira au mieux dans le courant de l'année prochaine, mais sinon. Sinon, courant 2021, de toute façon, il y aura de la nouveauté. Vous avez déjà commencé à avoir des idées, justement, pour cet album. Il y a déjà il y a des bouts de chantier déjà. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, donc l'album est déjà en chantier. Et Fra a participé à l'album de reprise, chante sur une des reprises. En fait, on a repris un groupe suédois avec qui on avait tourné, qui s'appelle Adhésive, et c'est lui qui interprète le chant sur ce morceau. D'accord. Bah voilà, bah c'est bien, d'en parler ce soir. Ce sera toujours dans le même style, ou après l'apport de deux autres personnes, ça peut changer un peu la donne. Ça, les deux. je pense qu'il y a l'esprit qu'il faut qu'on conserve. Je pense qu'il va amener quelque chose en plus. J'espère qu'il va amener quelque chose. Qu'il va amener ça. Sa vision de la musique pour Bernie, et j'espère qu'on va être capable de faire une bonne mixture de tout ça, entre Phil qui va rapporter toutes ses influences et lui. Je pense que ça va faire quelque chose de très bien. En tout cas, les quelques rappels qu'on a fait ensemble là, c'était très positif, très très positif. Bah, super, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Oui, c'est une bonne nouvelle déjà. Là, ce soir, tu nous as amené en plus un morceau, exclusivité mondiale. Tout à fait, une exclusivité. Ah ouais, ça nous fait vraiment plaisir dans l'émission Mavrika, sur Radio Arc-en-Ciel, exclusivité mondiale. Ouais, un morceau des Burnies que personne n'a jamais entendu. Alors, pour la fin, celui-là. Ouais, c'est une reprise, c'est un morceau exécuté par les Burnies. D'accord. Mais qui n'est à l'origine pas des Burning Heads. D'accord, ok. Donc c'est un morceau des Bad Brains, justement, qui s'appelle The Big Takeover. Donc le titre qui a donné le nom de la tournée qu'on va faire avec le Peuple de l'Herbe et Brain Damage. Mm-hmm. Et ce morceau va être sur le prochain album qu'on sortira. Donc c'est un chanteur différent qui va chanter, et ce chanteur c'est un des deux chanteurs du Peuple de l'Herbe, JC001, c'est lui qui l'interprète. Ok, on se garde pour la fin, hein. Okay. D'accord, on fait comme ça, histoire d'avoir des auditeurs. Mais entre temps, on va quand même vous envoyer des messages. Un nouveau Burning. On vous laisse le temps de prévenir tous les copains, tout ça. Donc, exclusivité mondiale les réseaux dans l'émission Mavrika. Un morceau que personne n'a encore écouté. Donc, en attendant, on va quand même écouter un Burning Head. Un morceau, on en a parlé tout à l'heure. C'est la piste 4. Ah bah, tu vois, il n'y a pas de secret. Hein. Parce que nous, avec Didier, on a un code, on sait que dans un album, la 4, c'est souvent une des meilleures. Okay. Alors, des fois, on se trompe. Il y en a pour qui c'est la 12. Ouais, on a parlé. Ouais. Et nous, en plus, tu nous as parlé de Pop Appeal, et c'est, comme par hasard, le morceau numéro 4. Donc, il n'y a pas de hasard dans les choses. Il n'y a pas de hasard dans les choses. Donc, c'est un morceau qu'on avait repéré, qu'on a beaucoup apprécié, qu'on a déjà diffusé à nombreuses reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Et là, je propose qu'on l'écoute donc à nouveau, le titre numéro 4, Pop Appeal. Sleep, do it every day. Pop a little pill. merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika. Aujourd'hui, c'est la 426e édition. Et nous recevons donc les Burning Head par l'intermédiaire de Jean-Benoît qui est présent ce soir. J'ai pas mis de musique de fond parce que j'ai besoin de cet ordinateur-là pour envoyer un son derrière. Voilà. Et il y a aussi le côté technique. Moi, j'explique tout. Hein, la radio. Oui, oui. Moi, on fait la radio comme ça. Voilà. J'ai donc la platine cassette qui est prête. Et bientôt, on va envoyer le son. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas abordé pendant cette émission? C'est vrai que l'émission est passée très vite. Jean-Benoît nous a donné beaucoup d'informations. On a vu un peu tout ce qui s'était passé, ce qui va venir très bientôt. Et puis, il nous reste peu de temps. Donc, c'est pour ça, s'il y a quelque chose qu'on aurait oublié... Non, je pense qu'on a fait pas mal de tours quand même. Ouais, on a appris beaucoup de choses. D'autres projets encore, peut-être, non? Je sais pas. C'est déjà pas mal. Non, c'est... non. Bah, une tournée, et les clips vidéo, album, des répètes. Ouais. Et peut-être un clip vidéo, non? Il n'y aurait pas ça sous... Pas sous le coup. Non, pas... Et sinon, il y a aussi une chose qu'on attend ici à Orléans. Quel est le prochain concert des Burning Head à Orléans? À Orléans, c'est pas encore calé. C'est encore programmé. Non, en fait, si, il y a quand même encore quelque chose, c'est que on va essayer de regrouper un peu plus les concerts que ce qu'on faisait jusque-là. Jusque-là, on faisait beaucoup de concerts tous les mois. On partait deux, trois week-ends par mois. Là, on va essayer de plus se regrouper parce qu'on est, on est un petit peu dispersé au niveau de, enfin, géographiquement. Mmh. Donc, on va essayer de faire plus des tournées sur, regrouper quatre, cinq concerts par semaine sur peut-être une ou deux semaines. Et on aimerait bien aussi l'année prochaine tourner avec des groupes étrangers. On a pas mal de vues là, pas mal d'accroches avec certains groupes qui ont rarement joué en France et avec qui on va peut-être faire des tournées. Donc il y aura encore quelques surprises à venir sur l'année prochaine. Bah, très bien. Et pas trop en dire pour l'instant parce que c'est pas encore complètement calé. Mais bon, il y a des bonnes surprises à venir normalement. Très bien. Et puis de toute façon, dès qu'il y a de la nouveauté, de l'actualité, et que tu as envie de revenir dans l'émission, de toute façon, on te programmera avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Donc en tout cas, c'est la deuxième fois que tu viens ici. Et puis n'hésite pas à nous recontacter si tu as envie de nous annoncer encore des choses. Et puis après, moi ce que j'aimerais un jour, tu vois, un truc qui nous ferait plaisir, c'est que dans l'émission Maverick, on a la possibilité de faire un truc en acoustique ou un live. Et donc ça serait bien qu'un jour tu puisses venir avec plusieurs membres, juste une guitare ou un truc comme ça. Nous faire un petit truc avec les Burning Head, je trouve que ça serait un moment magique ici. Il faut que je n'ai qu'un guitariste parce que moi je sais pas, je jouais que de la basse. Donc... D'accord, toi t'es un vrai bassiste, toi, c'est la basse. En tout cas, je joue pas de guitare. D'accord, parce qu'il y en a certains qui font un peu les deux. Hein, ouais, il y a deux cordes en trop, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Elles sont toutes petites. Voire cinq. Voilà, et puis après c'est pareil, Jean-Benoît, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le monsieur qu'on voit souvent. Il y a des photos, énormément de photos où tu sautes. Ça, c'est ta signature. Donc, on le voit souvent avec les jambes assez remontées et puis la basse. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent ce moment-là. Hein. Bon, les photographes, je sais que. Il y en a un qui est très, très fort dans ça, qui a réussi, enfin, qui nous suit depuis pas mal de temps et qui a réussi à capter le moment où j'allais sauter. La force, quand tu connais les chansons par cœur, il connaît plus les appels que je fais avant de. Donc, il a passé un concert une fois à scotché à moi et en fait il a posté sur la suite les photos du concert et c'était assez impressionnant. Il a photographié presque tous les sauts. Il était vraiment à l'affût, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau technique pour les photographes c'est pas évident parce que souvent dans les concerts les lumières c'est un peu particulier. Donc il faut déjà avoir un bon appareil. Mais lui, Denis, la personne en particulier, c'est Denis Charmeau. Vitesse rapide en plus. Vitesse rapide pour pas qu'il y ait de flou. Pas trop rapide non plus, sinon il n'y a pas assez de lumière. Donc après, il faut jauger bien comme il faut. Et puis après, appuyer au moment précis. Il y a le côté technique et il y a aussi le moment, l'instant. Rafale. Les Rafales. Ouais, non, on peut pas. Mais là, c'est un photographe. Enfin, son nom, c'est Denis Charmeau. C'est un photographe de concert qui fait vraiment ça pour le plaisir. Et il a un côté professionnel de la photo aussi. Où d'accord. Il fait pas mal le festival de Cannes en fait. Ah ouais. Et du coup, oh oui. Il shoot aussi, tu vois. Et parallèlement, il fait tous les concerts qu'il y a autour de chez lui. Il shoot. D'accord. Il est de la région. Non. Ah, il est vers la Suisse. Il est pas en Suisse. Il est en France, mais pas très loin de Genève. Enfin, il y a souvent des photos de. Il y a souvent des photos de Genève, Lausanne, tout ça. Donc. Stéphane Etcher et tout ça. Pas vraiment. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Voilà. Mais pourquoi pas, enfin, je veux dire. C'est le chanteur Schumacher. Tous les artistes, ouais. Peuvent sortir aussi. Tous les sportifs. Ouais, je pense que c'est un artiste suisse, donc forcément. Voilà. Il y a une chose qu'on n'a pas dit aussi dans l'émission, c'est on n'a pas parlé du Mavrika Live. Donc le prochain Mavrika Live, donc, c'est l'édition numéro 11. Tu vois, la chapelle 11, c'est à la chapelle Saint-Émin, donc le 9 novembre. À partir de 18h cette fois-ci, on commence un peu plus tôt. On va ouvrir les portes un peu plus tôt parce qu'il va y avoir beaucoup d'exposants. Ouais. Et là, il y en a un paquet parce qu'à un moment, on en avait beaucoup. Après, on en a tellement réduit qu'on n'en avait pas assez. Puis finalement, là, on a rouvert un petit peu et il y en a beaucoup qui vont venir. Donc, j'ai partagé les liens sur l'événement. Il y a un événement sur Facebook. Vous pouvez vous inscrire en disant voilà, vous êtes intéressé, vous participez ou alors vous vous en foutez complètement et ça, c'est un petit peu dommage pour nous. Il faut venir. Il n'y a pas la case, je m'en fous. Non, il n'y a pas la case. Bon, bah, on va la rajouter. Hein, dans... et donc, il y aura comme groupe, il y aura le Soupule, voilà, pour commencer. Donc, le Soupule qu'on a écouté en début d'émission. Il y aura un artiste, ils viennent de Paris, hein, les Soupules. Il y aura aussi un artiste qui nous vient d'Orléans, de la Nouvelle-Orléans, cette fois-ci. Donc, c'est un bluesman que nous avons eu la chance de recevoir ici. Bah, ça fait pratiquement un an. C'était au mois de décembre, c'était la dernière émission, donc 11 mois. Et là, il revient dans la région, donc parce qu'il est souvent aux États-Unis, Canada, Angleterre. Et quand il vient en Europe, en France, il vient dans la région orléanaise. Et là, il est dans le coin, donc il participera donc à ce Mavrika Live numéro 11. Il y aura ensuite. Tu n'as pas dit son nom? Joshua Cook. J'ai pas dit. Non. Joshua Cook, c'est pourtant évident. Joshua Cook. Voilà. Ensuite, il y a un groupe d'Orléans, cette fois-ci. Donc, c'est un groupe de la région. Il s'appelle Full Tank. Et ce groupe, donc, viendra. Nous, on l'a pas encore reçu dans l'émission, mais on a pris le risque. On le reçoit directement parce que. Pourquoi ? Parce qu'il s'est proposé, déjà. Il faisait partie des 24 groupes qui sont proposés pour le Mavrika Live numéro 11. Et il a été choisi par le public. Voilà, donc il est arrivé dans le premier. Donc, non, le premier ou le deuxième, je ne me souviens plus. Donc, il y a eu le premier, je crois. Ouais, donc deux groupes, les Full Tank et le Soupule, qui ont été choisis par le public. Voilà. Et enfin, il y aura. D'ailleurs, Paul, qu'on a croisé hier au concert, qui on dit bonjour. Ouais, on lui passe un petit coucou, et moi j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Et à Serge aussi. non, je l'ai eu hier. Voilà, et à Serge, le nouveau batteur. Le chanteur de Sled. Mais parce qu'il y a aussi Serge, le nouveau batteur de Full Tank. Nous ne le connaissons pas. Mais on va le connaître. On le connaîtra. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire aussi, il y aura beaucoup d'exposants, des photographes. Groupe. Le dernier groupe, ah oui, le dernier groupe. J'ai oublié le dernier groupe. C'est tellement évident, c'est le premier, c'est nous qui l'avions choisi. Donc c'est un groupe parisien aussi, que nous avons fait venir dans la région, qui a joué aux Copains d'abord, à Main-sur-Loire, dans un petit bar. J'ai vu que, bon, franchement, c'est un groupe qui méritait de jouer sur une grande scène. Et là, il viendra donc pour le Mavrika Live numéro 11. Voilà. Les Shaking Mets. Voilà, j'ai rien oublié au niveau des artistes. Après, il y aura un tatoueur qui s'appelle Skin Tattoo, qui fera des tatous, si vous êtes amateur. Il va faire des flashs, Il va faire des petits flashs, donc. Je vais aller le voir dans la semaine, savoir s'il fera autre chose, s'il fera du piercing ou pas en même temps. Il fait aussi des piercings. Ouais. D'accord. Très bien. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Et puis aller voir sur l'événement sur Facebook. Donc il y a tous les détails, il y a les liens pour aller voir découvrir les différents artistes. Il y aura donc des photographes. Il y aura le club photo de la chapelle qui ouvre la mezzanine. Donc il y a une exposition. Elle sera ouverte pendant le Mavrica Live. Vous pourrez y aller en même temps. Donc ils seront là. On va prendre des photos. Il y a aussi notre ami Michel Fusé qui sera là. Je risque d'oublier des gens, mais bon, voilà. Je vous dis ça de tête. Voilà. Le mieux, c'est d'aller sur l'événement Facebook et puis vous aurez tous les détails. C'est enregistré ? Ok. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Il est 23h. On va dépasser de quelques petites minutes. On va dire les phrases magiques. Mm-hmm. Alors, les phrases magiques, la première. Everything is gonna be alright. Ah, tu commences par celle-là. Ouais, toi. Everything is gonna be alright. En anglais. Voilà, ouais, en anglais. Ouais, voilà. C'est bien, ça. Tu commences par le plus dur. Comme ça. Hein, ça m'arrange en plus parce qu'à chaque fois, je tombe dessus. Alors, la deuxième. Une vie sans musique serait une erreur. Donc, tout à l'heure, Marilyn nous l'a mis aussi sur le petit commentaire qu'elle nous a envoyé. Et puis, il y a aussi l'autre, c'est que le rock and roll soit avec vous. Voilà. Donc, continuez à aller au concert, continuez à écouter de la bonne musique, ça c'est important. Et puis, voilà, il faut sortir. Et à lire des bons livres. Et à lire des bons livres, des bons livres. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'en ai entendu une pas mal avant-hier. Je travaillais à l'Astro, j'étais sur le concert. Vous savez, je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi. Mais enfin, toujours est-il que la petite phrase c'était Do what you love, love what you do. Ah ouais, fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Voilà, ça c'est important ça. Parce que, ouais. C'est tellement logique. Ça, c'est, voilà, on va en méditer là-dessus. C'est logique. C'est tellement logique, mais tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ça. Ouais, ça, on va disserter là-dessus. Et puis d'ailleurs, on va continuer à parler de ça après l'émission, je pense. Après l'émission. Voilà, en tout cas, Jean-Benoît, merci beaucoup d'être venu dans l'émission Mavrica pour la deuxième fois. De m'avoir invité, du coup. Ouais. Invité. Tu passeras le bonjour aux autres Burnhead, ceux qu'on connaît, ceux qu'on va découvrir dans quelques temps. Puis j'ai des choses à leur remettre, donc voilà. J'avais prévu justement l'affiche de l'émission comme d'habitude. Ah oui. Et le nouveau diplôme, donc Burnhead, le deuxième diplôme, donc le vert. Le premier c'est le bleu, le deuxième c'est le vert, et le troisième c'est le rouge. Il va falloir quand j'en invente pour certains, parce qu'il y a par exemple Hervé Deroff, c'est la quatrième fois qu'il vient. Donc il va falloir... jaune. Ouais, par exemple. Ouais, on va modifier. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On va découvrir donc ce morceau que tu nous as présenté tout à l'heure. Fantôme. Petite reprise. Et on va se quitter là-dessus. En tout cas, merci. À très bientôt, Jean-Benoît. Et puis, allez au concert, allez voir les Burnie. Oui, il faut sortir le prochain concert à Tours, c'est quelle date? Le 1er novembre. 1er novembre, c'est facile. C'est bientôt. Hein. C'est très bientôt. Donc, allez aussi sur le Facebook des Burnie Head, tout simplement. Et vous serez au courant de tous les événements qui vont avoir lieu très bientôt. Voilà, on écoute ce morceau, donc ce morceau encore un moment magique dans l'émission Mavrica. Il n'y a pas de live, mais il y a un morceau exclusif qu'on retrouve uniquement. Bah, tu le balances, oui, ce morceau. Le Big Takeover. Oh, ouais, on attend, nous. C'est parti. We'll be right back. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Yeah.